Conscience, c'est la voie facile, celle sur laquelle ceux qui l'empruntent, c'est la voie qui a été facilitée pour ceux qui l'ont empruntée. إذن معنى العبادة في اللغة الذل. Donc la signification de l'adoration dans la langue, c'est l'humiliation, le fait de se rabaisser entre guillemets. والخضوع. Voilà, c'est les synonymes, الخضوع. إذن هذا المعنى اللغوي يوافق المعنى الشرعي. Donc la signification linguistique, elle est en conformité avec la signification religieuse. إذن العبادة الذل والخضوع لله. Parce que l'adoration, c'est le fait de s'humilier pour Allah. معناها الشرعي. Sa signification religieuse. هناك تعريفات كثيرة ذكرها العلماء. Il y a beaucoup de définitions qui ont été rapportées par les savants. ولكن هناك تعريف جميل لشيخ الإسلام. Ibn Taymiyyah. Parmi lesquels une définition très connue de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Donc l'adoration. Kalima jami'a. Un nom global qui englobe toute chose. لكل ما يحبه الله ويرضاه. Tout ce que Allah aime et agrée. من الأقوال. Parmi les paroles. والأعمال. Les actes. الظاهرة. Apparent. والباطن. Et caché. Et caché الباطن. جيد. إذن الظاهرة والباطن. Apparent et caché. وتجد أن هذا التعريف لا يخرج منه أي حركة أو سكون نفعلها. En dehors de tout ce qu'on fait parmi nos actes d'adoration, tout entre dans cette définition. أصبح الآن التعريف لغة واصطلاحا معروف. Donc on a vu la définition linguistique et religieuse. انتقل الآن إلى بعض المسائل في العبادة. Maintenant, on va traiter de sujet au sujet d'adoration. حتى نستطيع أن نضبط مفهوم العبادة. Pour qu'on puisse comprendre bien ce qu'il y a derrière le mot adoration. والعبودية. Et le fait d'adorer Allah. وسأذكرها لكم على شكل أقسام. Et ça va être dit de façon détaillée, par chapitre. Mas'ala. Sujet. Wa jawab. Question-réponse. Wa raqam. Chiffre. Wa a'dad. Et son nombre. Hatta tahfadouha. Pour que vous puissiez les apprendre, les retenir. Fa akhrijou aqlamakum. Sortez vos stylos. Wa awraqakum. Vos feuilles. Fa nahnu fi majlis 'ilm. On est dans une assise de science. Wa sa'as'al. Et il posera des questions. Nabda. On commence. Nabda. Ajibou. Yalla. Wahid. Numéro 1. Oui. Numéro 1. Une seule réponse. Thnin. Deux réponses. ثلاثة. Trois. جوابه ثلاثة. Trois réponses. وأربعة. Quatre. جوابه أربعة. Quatre réponses. إلى أن ننتهي. Jusqu'à ce qu'on termine. جاهزين. Vous êtes prêts? واحد. Un. الأصل في العبادة. Quelle est la base des adorations? هذا واحد. الأصل. Quelle est la base des adorations? Quel est le jugement des adorations? العبادة. جوابه. Donc sa réponse. واحد. Une seule réponse. المنع والتوقف. L'interdiction. ما هو الأصل في العبادة? Quelle est la base de l'adoration? المنع والتوقف. Le fait de s'arrêter, de l'interdiction. يعني لا نتعبد لله. Voilà. Donc nous ne le faisons pas. ولا نفعل أي عبادة. Nous ne faisons qu'une adoration. إلا. Sauf. أمر. Signé un ordre. معناته أي عبادة تتوقف إلا أن يأتيك أمر. Donc tu ne fais pas une acte d'adoration sans qu'il y ait un ordre derrière celui-là. ما هو الأمر? Quel est cet ordre? آية في كتاب الله. Un verset du Coran d'Allah. أو حديث صحيح عن رسول الله. Un verset authentique du prophète صلى الله عليه وسلم. لابد للعبادة من أمر. Donc l'obligatoire pour l'adoration qu'il y ait un ordre. إذا ليس هناك أمر من الله ورسوله. S'il n'y a pas un ordre d'Allah et de son messager. فهذه العبادة غير صحيحة. Cette adoration n'est pas valable. لأن هذا الدين إما قال الله أو قال رسول الله. Parce que cette religion c'est soit Allah a dit soit le messager d'Allah a dit. والصحابة لا يأتون إلا بما قاله رسول الله. Les compagnons n'ont fait que ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit. أو بما في كتاب الله. Ou ce qu'il y a dans le livre d'Allah. إذن هنا انتهينا من الأصل الأول. Donc nous avons terminé le premier point. ما الدليل على هذا؟ Quelle est la preuve de cela؟ ما الدليل على أن الأصل الأمر؟ Quelle est la preuve que la base de l'adoration c'est l'ordre؟ قال الله تعالى. Allah a dit. فاستقم كما أمرت. Sois sur le droit chemin comme il t'a été ordonné. إذا لم أستقيم كما أمرت. Si je ne suis pas, je ne suis pas sur le droit chemin comme il m'a. Si je ne suis pas sur le chemin comme il m'a été ordonné. Donc tu es en divergence avec ce chemin. Et tu mérites le châtiment. Quelle est la preuve de cela? Qu'ils prennent garde ceux qui vont en divergence avec un de ses ordres. Qu'ils soient atteints d'une fitna. Ou qu'ils soient atteints d'un châtiment terrible. إذن لا عبادة لله إلا بأمر الله. Donc il n'y a aucune adoration envers Allah sauf s'il y a un ordre d'Allah. أمر واضح. C'est très clair. خالفت هذا الأمر. Si tu es en divergence de cet ordre. وأتيت بأمر لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Si tu fais quelque chose que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas mentionné. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الذي يفعل غير أمري أمر غير صحيح. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit celui qui fait autre chose que ce que je lui ai ordonné, son acte n'est pas valable. Quelle est la preuve? Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui a fait une chose dans notre âme, dans notre religion, quelque chose qui n'en fait pas partie, cet acte est rejeté. Donc nous avons terminé avec le premier sujet. Quel est le titre du sujet numéro 1? La base dans l'adoration. Quel est son titre? Deuxièmement. Et il y aura deux réponses. Quelles sont les conditions d'adoration? Numéro 2, quelles sont les conditions d'adoration? La réponse? Donc les conditions d'adoration sont au nombre de 2. Premièrement, donc avoir une attention pure dans son acte pour Allah. هذا القول وهذا الفعل يريد به وجه الله. Ce qu'il fait comme parole ou acte, il espère le visage d'Allah. اثنين. Deuxièmement. مطابقة ذلك الفعل والقول لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. La conformité de sa parole ou de son acte avec la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى بالمتابعة. Et ça, c'est ce qu'on appelle le suivi. إذن عندنا اثنين ما شروط العبادة. Donc nous avons deuxièmement quelles sont les conditions d'adoration. جوابها اثنين. Donc la réponse est au nombre de 2. واحد الإخلاص. Premièrement la pureté de l'intention et deuxièmement le suivi. ما الدليل على هذا؟ Quelle est la preuve de cela؟ الدليل على أن العبادة لها شروط. La preuve que l'adoration a des conditions. الدليل على أن العبادة لا بد لها من شروط. La preuve que pour toute adoration il faut des conditions. أن من لم يحقق الشرط لا تصح عبادته. Dans le sens où celui qui ne vient pas avec cette condition, son adoration sera vaine, non valable. وهذا هو دين الله. Ça c'est la religion d'Allah. ألا لله الدين الخالص. Allah appartient à la religion pure. وأيضا قال تعالى. Allah dit également. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا يؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah d'une religion sincère et pure, et de faire, d'accomplir la salat et de faire la zakat, et telle est la religion valable. Obligatoirement, la sincérité, la pureté dans l'intention. S'il n'y a pas de cette pureté de l'intention, ça devient du shirk, du polythéisme. Et le polythéisme annule l'action. Et s'ils étaient polythéistes, leurs actes auraient été vains. On aurait annulé leurs actes. هذا بالنسبة للشرط الأول. Ça c'est par rapport au à la première condition. بالنسبة للشرط الثاني. Par rapport à la deuxième condition. فلا بد أن يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحبه الله ويقبل عمله. Il doit être en conformité avec la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم jusqu'à de telle sorte qu'Allah aime et il accepte de lui. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dites, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Ce qu'Allah vous a ordonné de le faire, faites-le. Ce qu'il vous interdit de faire, écartez-vous-en. Celui qui laisse le suivi tombe forcément dans l'innovation. S'il n'est pas sur la sunna, il est forcément dans l'innovation. Et l'innovation est rejetée à celui qui la commet. Sur celui qui la commet. وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. Par rapport à la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui a fait une chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, son acte sera rejeté. إذن انتهينا. Donc, من اثنين. Nous avons terminé avec la question numéro 2. ثلاثة. Troisièmement. تحت عنوان. Titre. أركان العبادة. Les piliers de l'adoration. وأركان العبادة ثلاثة. Et les piliers d'adoration sont au nombre de 3. واحد. Premièrement. الخوف. La peur, la crainte. اثنين. Deuxièmement. الرجاء. L'espoir. ثلاثة. المحبة. Troisièmement, l'amour. إذن أركان العبادة كم؟ Donc, quel est le nombre des piliers de l'adoration? ثلاثة. وهي؟ Trois. Donc, elles sont. Donc, le خوف, la peur. المحبة. L'amour. الرجاء. Et l'espoir. فلا بد أن تكون الأمور الثلاثة موجودة في العبادة. Donc, ces trois choses-là doivent être réunies obligatoirement dans l'adoration. ولذلك في هذه الثلاث c'est pour cela que dans ces trois conditions dans ces trois choses انحرفت ثلاث طوائف il y a trois groupes trois sectes qui ont dévié de ces choses-là à cause de ça هل سمعتم بالخوارج donc avez-vous entendu parler des خوارج هل سمعتم بالمرجئة avez-vous entendu parler des مرجئة هل سمعتم بالصوفية avez-vous entendu parler des صوفية الخوارج عبدوا الله بالخوف. Donc les خوارج عبدوا الله uniquement avec la peur. فقالوا. Ils dirent. لا ينفع إيمان مع معصية. Donc une foi qui contient des péchés est inutile. فكفروا الذي يقع في الكبائر. Donc ils ont rendu mécréants ceux qui font les grands péchés. والمرجئه قالوا المرجئه لا يضر مع الايمان معصيه le fait de faire des péchés n'est aucunement nuisible à la foi والصوفيه قالت et les soufis ont dit يكفي حب الله l'amour d'Allah suffit لا نرجو جنه ولا نخاف عذاب voilà nous n'espérons pas le paradis ni nous craignons l'enfer نحب الله فقط nous aimons Allah فقط uniquement وهذا موجود. Et ils existent. صحيح ولا لا؟ Oui ou non؟ الخوارج كفروا الناس. Les خوارج ont rendu mécréants les gens. والعبادة لابد أن تكون فيها الأوصاف الثلاثة. يعبدوننا رغبا ورهبا. il est obligatoire que toute adoration ait ces trois caractéristiques. Donc, on va appeler la peur, la crainte et la peur, l'amour et l'espoir. Nous adorer par crainte et par espoir. La peur et l'espoir. والذين آمنوا أشد حبا لله. Ceux qui ont cru ont plus d'amour envers Allah. فهذا الحب. Cet amour. فلا بد أن تعبد الله. Donc il est obligatoire pour toi d'adorer Allah. وتخاف من عذاب الله. De le craindre son châtiment. وترجو رحمته. T'espères sa miséricorde. حبا له. Par amour pour lui. فتجتمع الأركان الثلاثة في العبادة. Donc ces trois piliers sont réunis dans l'adoration. وأما من يقول. Par contre celui qui dit. نحن نحب الله يكفي. Certaines personnes disent « Nous aimons Allah et cela suffit. » Il y a une mauvaise parole ici. ويقول, عاشق الله. العشق من المرء رجل للمرأة. وأما العبودية فهي الحب في الله. Une personne qui a une parole d'amour que pourrait dire un mari envers son épouse, et alors que l'aboudia c'est pour Allah. أما العشق فهو من الرجال للنسوان. Voilà, cette parole-là, donc c'est ce que dirait cette mauvaise parole, c'est ce que dirait un homme pour sa femme. والحب غايته الذل والعبودية. Alors que l'amour, c'est l'humilité parfaite et l'adoration. والعشق غايته النكاح. Alors que le mot qu'un époux pourrait dire envers son épouse, c'est le but de ça, c'est le mariage. فمن سوء الأدب أن تقول أعشق الله أو عاشق النبي. Voilà, donc ce serait un mauvais comportement de dire cette parole-là. هي كلمة تستخدم في جهة النساء. Cette parole-là est destinée aux femmes. هكذا العرب. C'est comme ça chez les Arabes. هذه المفردة. Ces mots-là, ce mot vocabulaire particulier. استخدامها هكذا. C'est comme ça qu'ils sont utilisés. وأما الحب. Par contre, l'amour. فهو يجري. Il. يجري. يستعمل. Il est utilisé. في ذلك. في الحب في الله. Dans l'amour pour Allah. أربعة. Numéro 4. تحت عنوان le titre انواع العباده les formes de l'adoration وجواب أربعة quatre réponses أربعة quatre وانا تعمدت هذا donc j'ai volontairement fait cela حتى يصبح سهل لكم pour que ce soit facile à retenir pour tout le monde فتستفيدون pour que vous preniez un bénéfice, pour que vous enseigniez vos proches, et pour que vous appeliez Allah avec ces instruments-là. Voilà, vous aurez donc parlé après avoir appris. Vous avez appris, puis vous avez parlé. Et avec chaque point, je vous donnerai une preuve du Coran et de la Sunna. 4. Quatre. انواع العباده واحد donc les formes d'adoration numéro 1 عبادات قوليه donc une adoration par la parole اثنين deux عبادات فعليه donc une adoration par l'acte ثلاثه troisièmement عبادات قلبيه une adoration du cœur اربعه quatrièmement عبادات maliyya. Une adoration financière qui a trait avec l'argent. Ibadat maliyya. Donc une adoration qui a trait avec l'argent ou les biens. Le maliyya ici. L'argent, les biens. Oui, là. Là, il y a un trait avec les matériels. Ah. À chaque plus. Amthilatuha. Les exemples pour chacun des points. واحد. Numéro 1. عبادات قولية. Une adoration par la parole. الذكر. Le fait de se rappeler d'Allah, le rappel d'Allah. الحمد لله لا إله إلا الله. Donc les formules de rappel. وسلم على رسول الله. أذكار الصباح, أذكار المساء. Donc les rappels du matin, les rappels du soir, les doigts, les conduits à des moments particuliers, etc. قراءة القرآن. La lecture du Coran. مجالس العلم. Les assises du ilm, les sciences, le fait d'appeler Allah. Tnin. Deuxièmement. Ibadat fi'liyya. Les adorations par les actes. Mithaluha. Exemple. Salat. La prière. Sujud. La prosternation. Ruku'. L'inclinaison. Kul ma yata'allaq bil jawarih. Tout ce qui a appris avec le corps. Yadayk wa qadamayk wa jasadik. Vos mains, vos pieds, votre corps. Tawaf. Le fait de tourner autour de la Kaaba. Le fait de jeter les pierres Jamarat. Le fait de marcher des pas vers, le, vers la mosquée. Tout ce qui est entré, tout ce qui est relié au corps. Aux membres. Numéro 3. Ibadat qalbiyya. Une adoration du cœur. Le fait de se remettre à Allah. L'ikhlas. La sincérité dans l'intention, la pureté dans l'intention. Al-raghba wal-rahba. La peur et, la, et l'espoir. Al-mahabba. L'amour. Kul umur al-qalb. Toutes les choses qui, ont, qui sont reliées au cœur. Arba. Numéro 4. Al-ibadat al-qalbiyya. Al-maliyya. Al-maliyya. Quatrièmement, les adorations par les biens, par l'argent. Les adorations sadaqa. Financières. Donc les sadaqa. Al-nafaqa. Les dépenses, بذل المال, le fait de donner de l'argent, دفع الزكاة, le fait de payer la zakat, s'acquitter de la zakat, كل شيء يتعلق به, tout ce qui tout ce qui relie à l'argent. هل هذه العبادات ممكن يدخل بعضها في بعض؟ Est-ce que toutes ces adorations peuvent s'imbriquer? Est-ce qu'une adoration peut rentrer dans l'autre? Oui. نعم. Oui, نعم. وإذا يؤكد يقول oui, oui. نعم. يوجد. Oui, c'est possible. مثل. Exemple. يلا. أعطني عبادة تجتمع فيها الأنواع الأربعة. Donner une adoration qui, qui regroupe les quatre. يلا عند العمود. On l'a vu. Le frère là qui est au pilier. عبادة الحج. الحج. فصل. Donc le précise. وين؟ النفقة. مزيان طيب. والقولية. التلبية والإهلال. طيب والعملية لها الجوارح. الطواف ورمي الجمار. والقلبية. النية. طيب لك هدية. عبد الله. خذاك يا عبد الله تعال ودوها لك تعال. تعال خاف تسقط في الطريق. ودوها لك. حواجز. أعطى عبد الله. إذن هناك بعض العبادات ممكن تكون فيها بعض التداخل. Donc il se peut que les adorations aient des imbrications sur les autres. Elles peuvent s'imbriquer. ف... مثال الصلاة. Par exemple la prière. فيها تستحق. فيها أنواع. أنا بودي معي كتب أهديكم كتب ولكن هذا المال اشتروا فيه كتب. Je voulais moi vous ramener des livres mais j'ai pas pu aller donc avec cet argent j'ai des livres. حتى تقرأوا. Pour que vous puissiez lire. نحن أمة اقرأ. نحن نذكر نحن سنا كونيتي دو اقرأ. الله يهديكم. قال نو جيد. Lisez. أعظم ما تقرأون كتاب الله. Et la chose la plus importante que vous puissiez lire c'est le Coran d'Allah. عبادة. L'adoration. تعلموا اللغة. Apprenez la langue. أشياء كثيرة. Plusieurs choses, beaucoup de choses. الصلاة تجتمع فيها. La prière donc dans la prière est réunie. ليس فيها قسم وهو. Mais il y a il manque un acte, une partie. الصلاة ما فيها فلوس. Voilà la partie financière. ف... لا بد أن تجتمع مع هذه الأشياء في العبادة أمور قبلها. Donc il est obligatoire que soient réunies pour cette adoration des choses qui la précèdent, qui les précèdent. تعرفون أذكار الصباح وأذكار المساء. Vous connaissez les rappels du matin et du soir. الصباح لها أذكار. Le soir c'est le matin à des. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. Le soir a des le matin c'est rappels particuliers qui sont connus. هذا الدعاء من أين لنا؟ Cette invocation من أين؟ من أين لنا؟ كيف عرفنا؟ كيف comment l'avons-nous apprise؟ إذن نحن ذكرنا أربعة أمور صح؟ Donc nous avons rappelé quatre choses n'est-ce pas؟ الآن أريد أربط ما بين هذه الأمور الأربعة كعبد. Maintenant je vais relier ces quatre choses là. لابد لكل عبادة قولية. Il est obligatoire pour toute adoration par orale. من أمر. D'un ordre. Il y a un ordre qui la précède. يعني دليل. Une preuve. وهذا الدليل أثناء الممارسة. Et cette preuve pendant que vous le pratiquez, pendant que vous la pratiquez. لابد أن يقوم على أمرين. Il est obligatoire qu'elle soit basée sur deux choses. أن تخلص بقولك وتوافق لرسولك. Que tu sois dans la sincérité pure pour Allah et que tu sois en conformité avec la Sunna. وتقول هذا الدعاء. Et tu dis cette invocation. Et tu dis cette invocation par peur, par espoir et par amour. صار عندنا تربيط ولا ما صار؟ Est-ce qu'il y a une relation entre tout cela ou pas؟ صحيح. إذا كل عبادة تمارسها. Toute adoration que vous faites. لابد أن تلتفت. Il est obligatoire que vous regardez. D'où vient cet ordre? D'où vient l'ordre? D'où est l'ordre? Tu fais ta propre étude avec les deux conditions. Tu le relis avec les trois piliers et tu la mets en pratique. Vous pouvez mettre ça sous la forme comme un arbre, quoi, un arbre généalogique. Et ça sera plus facile à retenir ces choses-là. خمسة. Numéro 5. أحكام العبادة. Les jugements, les statuts de l'adoration. هذه العبادة. Cette adoration. ما حكمها؟ Quel est son statut؟ خمسة أحكام. Il y a 5 statuts. إذن خمسة أحكام. 5 jugements, 5 statuts. العبادة. Au sujet de l'adoration. وجواب خمسة كم؟ Et il y a 5, donc la réponse au nombre de 5. خمسة. Donc elle sera au nombre de 5. واحد. Numéro 1. واجبة. Obligatoire. اثنين. Deuxièmement. مندوبة. Recommandé. ثلاثة. 3. محرمة. Interdite. أربعة. 4. مكروهة. Détestable. خمسة. Numéro 5. مباحة. Neutre. أضرب لكم مثال حتى تفهموا. Je donne un exemple pour chaque exemple. Pour chaque point. الصيام. Le jeûne. واحد. Numéro 1. واجبة. Obligatoire. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان واجب. Vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit pour les communautés qui vous ont précédé, de sorte que vous atteigniez la piété. وهو قريب بلغنا الله وإياكم رمضان. آمين. Il arrive bientôt qu'Allah fasse que nous l'atteignions. اجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه. Et fasse qu'Allah nous fassions partie de ceux qui jeûnent avec piété. وتقبل منه. Et qu'ils soient acceptés. إذن واحد. Numéro 1. واجبة. Obligatoire. Le jeûne. اثنين. Deuxièmement. مندوبة. Recommandé. وهي صيام الاثنين الخميس. Jeûner le lundi. الأشياء التي فيها مندوبة مستحبة. Les choses pour lesquelles il a été recommandé de faire. ثلاثة. Numéro 3. محرم. Interdit. هل الصيام يكون فيه محرم؟ Est-ce que le jeûne il peut être interdit? Il peut y avoir des choses qui peuvent être interdites? نعم. Oui. وهو صيام يوم العيد. Par exemple, jeûner le jour de l'Eid. صيام يوم العيد محرم. Le fait de jeûner yom l'aïd est interdit. Est interdit. Makrouh. Détestable. Al-ayyam allati ata fiha karaha. Donc les jours pour lesquels il a été rapporté que c'est détestable de jeûner. مثل الجمعه. Comme le jumu'ah. Comme le jour du doute. Aywa. هذه الاشياء فيها كراهه. Ces choses-là, il y a des choses détestables. خمسة. Numéro 5. Mubah. Mubah, neutre. صام يوما في سبيل الله. Il a jeûné un jour pour s'habiller là dans le sentier d'apôtre. Il a voulu s'habiller là. Il a prié une nafila. Cinq règles. Et on a donné un exemple pour la salat. Sept. اعتبارات الزمن. Par rapport au temps. في أداء العبادة. Pour faire l'adoration, pour mettre en pratique l'adoration. والجواب ستة. Donc il y aura 6 réponses. واحد. Numéro 1. آنية. النية الآن الآن نية من النمو على أستان اثنين دوزيما يومية كوتيديان ثلاثة تخزيما أسبوعية إبدومادير أربعة كاتخيما شهرية مونسيوال خمسة سكيما سنوية أنيوال ستة سيزيما عمرية pour la une fois dans la vie. Et il va vous donner un exemple pour chaque point. Donc l'adoration que l'on fait sur le champ à l'instant. C'est ta croyance, ton credo pour d'Allah. Ne va pas. لا تلتفت الى غير الله يعني لا يلتفت قلبك لغير الله ولو لحظه voilà que ton cœur ne soit pas enclin à aller en dehors d'Allah en dehors de اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين tu dois pas t'écarter d'Allah quel que soit le temps tout le temps en fait اذا هي العقيده ça c'est la croyance لا اله الا الله محمد رسول le fait que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah في كل لحظه Et que Mohammed soit messager à tout moment. في مسائك, le matin, le soir. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Mes actes d'adoration, donc parmi la salat, le jeûne, etc., l'immolation sont pour Allah. فهي كل لحظة أنت مع الله. À chaque moment, tu es avec Allah. لا يفقدك منها إلا عدم عقلك. Si il y a que quand tu as perdu la raison que tu n'es plus dans cet état-là. فلذلك تجدون موانع التكليف. Pour ça, il y a des choses qui interdisent l'adoration. Comme le fait de ne plus avoir sa raison, le fait de dormir. C'est pour ça, dans cette raison, qu'à tout moment, et quand tu es sain d'esprit et que tu es conscient, tu es avec Allah. Ton cœur se dirige vers Allah. هذه عبادة آنية في كل شيء. لو التفت قلبك إلى غير الله لحظة أشرك. Ça, c'est l'adoration, elle est tout le temps avec toi. Si tu, une seconde, ne serait-ce qu'une seconde, l'instant d'une seconde, tu fais ça pour autre qu'Allah, tu auras commis du polythéisme. من يحييك, من يميتك, من يعطيك, من يهبك, من يمنعك, من يجري دمك, من يحرك حياتك, من أمرك بيده, بيد الله, فكن في كل هذه الأمور مع الله, حتى يكون الله معك. Qui te donne la vie, qui te donne la mort, etc. Je vais donner d'autres exemples. Donc, toutes ces choses-là, c'est Allah qui te donne, donc, faut pas s'écarter d'Allah. يومية. Donc quotidienne, les salawat, les prières. Ça a des exemples basiques. On a un temps long de cours. Je donne des exemples. Mais semaine, hebdomadaire, le jumu'ah, jumu'ah, la semaine du vendredi, chahriya, mensuel, مثل الصيام الاثنين والخميس. Je donne le lundi et jeudi. هذه اسبوعية. هذه اسبوعية. إيه. الأيام البيض. Les trois jours blancs, on appelle jours blancs. هذه شهرية. Elle est mensuelle. عندنا سنوية. Annuel. مثل. Exemple. Hein? حج. انتو كل سنة تحجوا. كلهم. Oui, il a demandé annuel. Il a dit tous les ans vous allez au Hajj. Hein? يوم عرفة. صيام عرفة. Le fait de jeûner le عرفة. Les deux les عيد. Bon, bien. طيب. الزكاة. كل سنة. زكاة. طيب. عبادة عمرية. Une adoration qu'on fait une fois dans la vie. Le Hajj. Le Hajj. Le pèlerinage. Le Umrah et le Hajj, كلها تكون مرة واحدة. طيب. عبادة قولية يومية. Une adoration orale et quotidienne. أذكار الصباح. Les invocations du matin et du soir. طيب. عبادة مالية يومية مع ذكر الدليل. Une adoration financière quotidienne avec la preuve. رفع يد الأخ. أنت عندك أهل تزوج؟ لا. والدليل la preuve حديث ما أصبح يوم إلا وملك ينادي اللهم أعط منفقا خلفا il n'y a pas un jour sans que nous ne levions le matin sans qu'il y ait un ange qui demande à Allah qu'il donne plus à celui qui dépense عبادة قولية سنوية Donc une adoration orale qu'on fait une fois dans l'année, annuelle. Adoration orale annuelle. أحسن تكبير أيام العيد. Le fait de faire takbir, le fait de dire Allah Akbar le jour de l'Aïd. عبادة قولية شهرية. Une adoration par la parole mensuelle. أصبر لا تستعجل. أنت يبدو أنك سمعت هذا الدرس. بركة هدية. عبادة اسكت عبادة قولية شهرية في الأخير. Une adoration donc par la parole mensuelle. Ceux qui sont forts. ها. تفضل. الدعاء رؤيا الهلال. أحسنت. La dua qu'on dit quand on voit la lune. طيب عبادة عمرية. Donc une adoration qu'on fait dans la vie. خلصنا من الحج هي فعلت لنا لم نفعلها الا تي فيت pour nous on l'a pas fait الاخ نعم جنازه نسال الله حسن خاتم انا قلت هي فعلت ولم اقول هي ستفعل الا تي فيت لا انا قلت هي فعلت ولم اقول ستفعل الا تي فيت ne va pas être faite elle a été faite الختان. الختان. Donc la circoncision. الختان. والعقيقة. إيه العقيقة اللي فدي دي مولي pour. لعلكم. في النسخ. لعلكم بدأتم تلاحظون في ما تقولون وتعملون في أوقاتكم. Donc vous avez l'impression d'avoir لعلكم بدأتم تلاحظون أنفسكم. Vous avez l'impression de. في أقوالكم. Dans vos paroles et vos actes. Dans vos paroles et vos actes. ومتعلقها بالزمن. Que tout est attaché avec le temps. فكل من أتانا بعبادة. Tout ce qui vient avec une adoration. زمانية. Lié au temps. نقول له ما دليلك. Nous lui dirons quelle est ta preuve. يأتي من يقول ثلاثة أيام كل شهر. Il y en a qui disent 3 jours chaque mois. 40 يوم في السنة. 40 jours par an. 4 شهور في العمر. 4 mois par mois pour la vie. ما دليلك؟ Quelle est ta preuve؟ لا دليل. Aucune preuve. يكون في الشرطين. نرجع للشرطين. Il doit revenir à nos deux conditions. الإخلاص موجود. الإخلاص donc la sincérité dans l'intention elle est là, elle est valable. وليس أمره إلينا. Et ce n'est pas notre problème. إنما إلى الله. Ceci revient à Allah. ولكن هل العمل هذا فيه اتباع؟ Est-ce que par contre cet acte est en conformité avec la Sunna؟ لا. Jamais, non. مردود. Donc c'est rejeté. إذا لا نحدد. Donc nous ne spécifions pas, nous ne cherchons pas un nombre précis. في أي يوم من عبادة. En ce qui concerne la ibadah, en ce qui concerne le nombre de jours. كان يقول أقل القليل ساعتين ونصف اليوم. Comme il pourrait dire 2h30 par jour. أو أن يأتي بعبادة أسبوعية. Où il fait une adoration hebdomadaire. يقول جولة مقامية وجولة انتقالية. Et il dit c'est une réunion il y a de déplacement etc. أو يأتي بعبادة شهرية. Où il fait une adoration mensuelle. ثلاثة أيام هذه. Trois jours ces trois jours là. أو يأتي بعبادة سنوية. Où il fait une adoration annuelle. ويقول 40 يوم. Et il dit 40 jours. أو يأتي بعبادة عمرية. Où il fait l'adoration pour la vie. 4 شهور. 4 mois. هذا لم يرد به دليل. Et pour ces choses-là, il n'y a aucune preuve. إذن حكمه غير شرعي. Donc son jugement est faux. فلا نتعبد لله إلا بما أتى في كتاب الله وصحيح سنة رسوله. Donc nous adorons Allah que par ce qu'il a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna authentique du prophète صلى الله عليه وسلم. 7. Numéro 7. هذه العبادات. Donc ces adorations. كما أن هناك حكم الفعل حكم فعل العبادة. Donc le jugement de l'acte de l'adoration. وهي الخمسة أمور. Ce sont les cinq points. هناك حكم نفس العبادة وليس فعلها حكم العبادة نفسها ما هي. Donc la notion en elle-même cette fois-ci quel est son jugement. وهذا سبعة. Et son nombre de 7. وجوابه 7. Il aura donc 7 réponses. وأضرب مثال. Et je donnerai un exemple. الصلاة. La prière. واحد. Numéro 1. فرض عين. C'est valable pour tout le monde, toute la communauté. اثنين. Deuxièmement. فرض كفاية. Donc c'est une adoration particulière dans le sens où si certains le font, le reste n'est pas obligé de le faire. ثلاثة. Troisièmement. واجبة. Obligatoire. أربعة. Quatrièmement. Sunnah mu'akkada. Une sunnah très recommandée, fortement recommandée. خمسة. Numéro 5. Sunnah ratiba. C'est une sunnah reliée à la prière. ستة. Numéro 6. Sunnah ahyanan. Sunnah, des sunnahs qui sont faites occasionnellement. سبعة. Numéro 7. Nafila. Les nafila, c'est des actes surérogatoires. مثال ذلك. Exemple. الفريضة التي نصليها. Donc les actes d'adoration, خمس صلوات في اليوم على واحد. Les cinq, le premier point, les cinq prières que nous prions quotidiennement. فرض عين علينا جميعا. Donc obligatoire pour toutes les personnes. كل منا حكم بعين نفسه. Tout le monde est responsable pour cette prière là. فرض كفاية. Deuxièmement, l'obligation. إذا صلى البعض سقطت عن الباقين. Si certains la font, d'autres ne sont pas obligés de le faire. مثل صلاة. Exemple. الجنازة. La prière sur le défunt. ثلاثة. Troisièmement, sunnah mu'akkada. Une sunnah fortement recommandée. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaf'alaha fi safarihi wa iqamatihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait alors qu'il était voyageur, pendant qu'il était voyageur et muqim, résident. Rak'atay al-fajr. Les deux rak'at du fajr. Wal witr. Et le witr. Sunnah ratiba. Les sunnahs qui sont reliés à les salat. Wa hiya 12 rak'a fi al-yawm. Les deux unités de prière quotidiennes. Rak'atayn qabl al-fajr. Deux avant le fajr. Wa rak'atayn. ركعتين قبل الظهر. Deux avant le dhuhr. Deux et deux. وبعد الظهر ركعتين. Après le dhuhr deux. وبعد المغرب ركعتين. Après le maghrib deux. وبعد العشاء ركعتين. Après العشاء deux. أصبح 12 ركعة. Ça fait 12 ركعة. ومن صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. Celui qui prie ces 12 unités de prière, Allah lui construira une maison dans les jardins éternels. سنة أحيانا هذا رقم ستة. Numéro 6, une sunna occasionnelle. أحيانا. Occasionnelle. وهي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي قبل العصر أربع. Des fois, le prophète, c'est comme le faisait le prophète صلى الله عليه وسلم. Des fois, il priait 4 rak'a avant l'asr. ركعتين. Deux par deux. وأحيانا يصلي بعد الظهر أربع. Des fois, il priait 4 après le dhuhr. ركعتين. Deux. إذن هذه أحيانا. Ça, c'était occasionnel. رقم سبعة. Numéro 7. نافلة. Nafila, donc les actes surérogatoires. Comme celui qui se lèverait maintenant, il prierait deux rak'a. Voilà, deux rak'a pour lesquels il prierait pour lesquels Allah. Ça, c'est pour le numéro 7. Tamania. Wajiba. Naam, wajiba. Moi, d'accord, c'est wajiba. واجبة مثل صلاة النذر صلاة الجمعة هذه واجبة الواجبات obligatoires les الجمعة ou les actes c'est les prières pour lesquelles nous avons fait un vœu والنذر نعم ترجع ثمانية numéro 8 بعض متعلقات العبادة donc ce qui a les on va dire les à côté de l'adoration ce qui est attaché aux adorations عدد le nombre هذا العدد le nombre متعلق وصف le comment هيئة la forme حال l'état زمان le temps مكان le lieu مطلق absolu مقيد restreint عيد répétez ش كتبتم واحد عدد نجد أن بعض الصلوات أو بعض الأذكار أو بعض الأمور أتى فيها عدد. On trouve dans la sunna que pour certaines prières ou pour certaines dua, il y a un nombre qui est précisé. إذا أتت العبادة وفيها عدد. S'il y a une adoration qui vient avec un nombre précis. تقيد بالعدد. Tu dois faire ce nombre-là. مثال. Exemple. صلوات. Les prières. نجد لها ركعات معددة. On a des nombres de rak'at particuliers. إذا تنقص تبطل الصلاة. Si tu en fais moins, la prière est valable. Si tu en fais plus, ça annule la prière. إذن, فاستقم كما أمرت. Donc, sois droit comme il t'a été ordonné. أمرت بعدد. Tu as été ordonné par un nombre. حافظ على العدد. Suis ce nombre, sois ferme sur ce nombre. سبحان الله 33. Subhanallah, le fait dire Subhanallah 33 fois. Alhamdulillah 33. Le fait dire Alhamdulillah 33 fois. Allahu Akbar 33. Le fait dire Allahu Akbar 33 fois. Mon kiff, tu vois, je vais dire Subhanallah 100 fois. Alhamdulillah 100 fois. Allahu Akbar 100 fois. J'ai une force et une puissance. Je ne peux pas dire, bien que j'ai la puissance et le pouvoir de le faire, que je dirais 1000 fois, 100 fois Allahu Akbar, 100 fois Subhanallah, 100 fois Alhamdulillah. Ça, c'est interdit. Pourquoi ? لأن الله حدد لك شيء معين. parce que Allah t'a restreint un nombre précis. ورسول الله ذكر لك رقم معين. et le prophète صلى الله عليه وسلم t'a donné un nombre précis. إذا هذا الرقم. donc ce nombre là. مقصود. هذا الرقم. il a but. المحدد لم يحدد عبث. شرعا. il a but. ce nombre là un but. il n'a pas été fait pour rien. حافظ عليه. donc suis ce but. suis ce nombre. في أوقات أخرى للأذكار انطلق. Dans les autres moments de par rapport au doua, tu peux faire ce que tu veux. Mais dans les, pour lesquels il y a un nombre précis, il n'a pas été, ça n'a pas été restreint pour rien. Que tu le saches ou non. لكن استقم كما أمرت. par contre, sois droit comme il t'a été ordonné. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ممكن تزيد رد عليك. Donc celui qui a introduit dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie et son acte est rejeté. Tu vas peut-être rajouter, ce sera rejeté, certainement. Sunnat al-Dhuhr, combien de raka'a? Sunnat al-Dhuhr, combien de raka'a? Là, là, خلصنا الظهر. صليت. بدل ما أصلي ركعتين, صليت ثلاث ركعات. J'ai fait trois raka'a, par exemple, après le Dhuhr, par exemple. زدت واحدة. J'en ai rajouté une. Dua, ubuka, khushu'. Dans laquelle j'ai fait preuve de crainte, de pleurs, j'ai pleuré, etc. Quel est votre avis sur cette salade? Quel est son jugement? En français, quel est son jugement? Quel est son jugement? Rejeté, mardoud. Ahsant. Lesh mardoud. Pourquoi elle est rejetée? Lesh mardoud. Pourquoi est-elle rejetée? On revient à ce qui a trait aux adorations. Ça continue dans le nombre. Il a rajouté une raka'a. Donc on a 8, on a 7, jusqu'ici 5, 4, 3, 2, 1. مثل العقد. العقد. العقد. Le collier, par exemple. Le collier, s'il se casse, tout le reste tombe. Même si le reste était relié l'un vers l'autre. À partir du moment où tu l'ouvres, façon de parler, tout le reste tombe. Ce qui était beau part. Donc, l'ibadah, بعضها متصل. Donc, les adorations sont reliées les unes envers les autres comme le collier. Donc, il a fait preuve de sincérité dans l'intention, mais il n'a pas suivi la sunna. Donc, le collier est tombé, cassé. Il a fait des choses, mais d'autres ne les a pas faites. Le collier est cassé. Donc, ces adorations sont complètes. Elles se complètent. Ce nombre. Donc le comment. La prière. Elle n'a qu'un seul nom. Et son comment se différencie. La prière sur le défunt. Quel est son nom? Quel est son nom? Donc la prière sur le défunt. Al-Tarawih. Quel est son nom? Salat. كلها اسمها صلاة. Toutes ces choses-là, on s'appelle prière. هل وصفها سوا? Est-ce qu'elles sont toutes de la même façon? صلاه الكسوف. La prière de l'éclipse. صلاه الاستسقاء. La fête de la demande de l'appui. صلاه العشاء. La prière du Isha. صلاه المغرب. La prière du Maghrib. اسماءها سوا ولكن العباده لابد لها من ايش? من وصف. Elles ont toutes le même nom, mais elles se différencient les unes des autres. C'est pour ça que cette raison que la da'wa à Allah s'appelle da'wa. C'est pour ça que la façon dont tu fais da'wa, elle se différencie. على بصيرة أنا ومن اتبعني. خلاص متابع. C'est pour ça que l'appel à Allah doit être en conformité avec la prophète. Il ne peut pas avoir une nouvelle façon de faire la da'wah. Il ne peut pas y avoir une nouvelle façon de faire la da'wah. C'est une adoration. On n'a pas, on n'a rien de nouveau. C'est une adoration. On n'a pas une nouvelle prière. On n'a pas une nouvelle façon de faire le hajj. On n'a pas une nouvelle façon de s'acquitter de la zakat. La comment c'est comment c'était au début. اختصرها ابن مسعود. Ibn Mas'ud l'a résumé ses paroles. Il a dit: عليكم بالأمر العتيق فقد كفيتم. Comprenez-vous aux choses anciennes, cela vous sera suffisant. اليوم أكملت لكم دينكم. Je vous ai parachevé votre religion aujourd'hui. وأتممت عليكم. نعمتي. ورضيت لكم الإسلام. Je vous ai parfait mes bienfaits. Et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Kamel, tam, omardi. Kamel, tam, omardi. Donc complet, parfait et agréé. Faladzid. Donc ne rajoutez rien. Kullu ziyadatin fi dinillah. Toute ziyada, tout ajout dans la religion d'Allah. Fahiya mukhalifa li amrillah. C'est une divergence par rapport à la religion d'Allah. Fanatir as-surah. Donc la forme, le comment maintenant, sur la forme surah. إنسان يأتي يقول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. Donc quelqu'un qui vient et qui dit celui qui prie sur le prophète صلى الله عليه وسلم Allah priera avec cette prière 10. فهذا يأتي بصلاة اسمها صلاة الفاتح. Celui-là vient et dit que c'est il vient avec une prière qui s'appelle صلاة الفاتح. صلاة كذا وهذا صلاة كذا كلها صلاة. Et celui-là dit avec une prière, l'autre vient avec une prière, une autre prière. فيأتي يحتج بالدليل. Et il dit, il se sert de dalil, d'une preuve. فهذا الدليل من حيث الأصل. Par rapport à son âge, à sa base, à l'origine, ce dalil. C'est un vrai dalil. Mais par contre, par rapport à la forme, il est en divergence. Un exemple. À l'époque des compagnons. لعله مر بكم حديث أبو موسى الأشعري والحلقة التي مر بها في مسجد العراق. Peut-être que vous avez entendu le hadith Abu Musa al-Ash'ari lorsqu'il a vu des gens en cercle en Irak, à Koufa. Vous connaissez ce hadith ? C'est dans le Sunan al-Darimi, rapportant Sunan al-Darimi. Est-ce que vous le connaissez ? Vous l'avez entendu ? Donc en résumé, donc il est passé devant des personnes qui étaient en train de faire le dhikr d'Allah dans une mosquée. Il y avait une personne parmi eux qui leur disait dites 100 fois Allahu Akbar, dites 100 fois la ilaha illallah. Il y avait un tas de bois. Subhanallah. À chaque fois qu'il disait ça, il retirait un morceau de bois. 100 fois. Tout le monde louait Allah 100 fois, disait Alhamdulillah 100 fois. أبو موسى الأشعري من العلماء. أبو موسى الأشعري زي partie des savants. الذي أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة في العراق وغيره. Qui ont été envoyés en Irak pour la da'wah. اليمن وغيره. Au Yémen et ailleurs. فذهب إلى الأمير. Donc il est parti voir le responsable de cette من région. كان الأمير. Qui était le responsable de cette région, qui était le gouverneur à cette époque. كان عبد الله بن مسعود. C'était عبد الله بن مسعود. فأتى. Donc il est parti le voir. وإذا بمجموعة عند باب بيت ابن مسعود لم يخرج للصلاة بعد. Donc il y avait un groupe de personnes à la porte de Ibn Mas'ud au matin quand sortait la prière. قال هل خرج؟ Il lui a dit est-ce que tu es sorti؟ قال ليس بعد. Pas encore. فانتظر أدبا عند بابه. Il a attendu de par bon comportement devant. وابن مسعود من كبار علماء الصحابة. Et Ibn Mas'ud comme vous le savez fait partie des grands savants des compagnons. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يسبق العلماء برتبة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'Ibn Mas'ud devancera les ulama d'un jet. وقيل الرتوة في الجنة 500 عام. Et le jet dans le Jannah c'est 50 ans. 500 ans. فإذا ابن مسعود يخرج. Et Ibn Mas'ud il sort à ce moment-là. فقال له il lui a dit يا أبا عبد الرحمن. Oh Abu Abd al-Rahman. وهذا الأدب. C'est par comportement. أنه يكني. Il l'interpelle par sa kunya. قال أما إني رأيت أمرا أنكرته. J'ai vu une chose qui était répréhensible que je réprouvais. وما رأيت إلا خير. Mais je n'ai vu que du bien. عبارة محيرة صحيح؟ نعم. C'est une chose qui fait réfléchir. أمر أنكرته. c'est quelque chose que j'ai réprouvé. Et je n'ai vu que du bien. La chose dont il a réprouvé, c'est la forme. Et le bien qu'il a vu, c'est la base de l'adoration. Il n'y a pas de personnes qui se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah. Par rapport à la base, il y a une preuve. Oui ou non? قال له ابن مسعود لماذا لم تنكر عليهم؟ ابن مسعود lui a dit pourquoi tu ne les as pas réfutés ou réprouvés؟ قال انتظرت أمرك. Il lui a dit j'ai attendu ton ordre. قال ألم تقل لهم بأن يحصوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن؟ Il lui a dit pourquoi ne leur as-tu pas dit qu'ils sont en train de compter leurs mauvaises actions؟ قال لا إن بغيت لا تدرك إلا ذلك. Si tu veux je peux m'en occuper. فذهبوا إلى المسجد. Ils sont partis au masjid, à la mosquée. فإذا بالقوم على نفس الوصف الذي وصفه أبو موسى الأشعري. Donc ils étaient toujours dans le même état dans lequel ils avaient laissé Abu Musa al-Ash'ari, c'est-à-dire en regroupant, en train de faire leur dhikr. وإذا بالقوم هكذا. Voilà. أمر مشكل. Problème. فكان لابد من السؤال. Il était obligatoirement, ça devait être obligatoirement questionné. فيتبين الحال. Pour que le problème soit résolu. Pour que le problème soit résolu. Il leur a dit, que faites-vous? Ils disent, nous adorons Allah, nous faisons le rappel d'Allah. Il a porté un jugement à ce moment-là. Donc le problème était résolu. Et l'État a essayé d'éclairer. Il leur a donné le début de la règle. Il leur a dit que vous êtes rapide pour partir dans l'égarement aux communautés de Mohammed. Regardez le bouclier. L'époque du prophète sallam, elle est encore fraîche. وهذه ثيابه لم تبلع. Et ses habits sont encore dans un bon état. وهؤلاء صحابته متوافرون. Et ses compagnons sont encore disponibles. يعني لماذا انحرفتم؟ Pourquoi êtes-vous parti dans l'égarement؟ والعهد قريب. Alors que vous êtes proche de la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ورسول الله قريب عهده. Et le prophète est proche également. وصحابته موجودين. Ses compagnons sont disponibles. ليش جبتوا شيء جديد؟ ليش تركتم؟ Pourquoi vous avez amené quelque chose de nouveau؟ لماذا ابتدعتم؟ Pourquoi vous avez fait quelque chose, vous avez innové? Pourquoi vous n'avez pas pris ça dans les sources de la religion? Les compagnons, les ulama, les savants. Pourquoi? Parce que le début de l'égarement, c'est le fait de s'écarter des savants. Donc la première raison de l'égarement, c'est le fait de s'écarter des savants et والاجتماع من دون le fait de se réunir sans les savants. قام قائم منهم un d'entre eux s'est levé. قال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. Il a dit يا عبد الرحمن nous avons voulu faire que du bien. احتج بالإخلاص. Donc il s'est servi de la pureté d'intention. رد عليه ابن مسعود بالمتابعة. Et ابن مسعود lui a répondu par la conformité avec la sunna. كم من مريد للخير لا يدركه. Combien de personnes veulent faire le bien et ne l'atteignent pas? Ta pureté dans l'intention ne sera pas suffisante si tu n'es pas en conformité avec la sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a informé. Votre lecture sera la même que la prière. Votre prière sera la même que la leur. Et je pense de vous. Et je pense que vous êtes vous, que c'est vous. Celui qui rapporte le hadith dit. Donc la majorité des gens. La majorité des gens qui étaient sur dans l'assise. من الذين طاعنون يوم النهروان. Ceux qui من الذين طاعنون يوم النهروان. Ceux qui nous ont maudit le jour de النهروان. يعني كانوا مع الخوارج يقاتلون الصحابة. Ils étaient avec les khawarij qui étaient combattus par les compagnons. احذروا صغار البدع. Faites attention aux petites innovations. فإنها تصبح كبارا. Parce qu'elles deviendront grandes. وإن أهل البدع يجتمعون على السيف. Et les gens d'innovation sont tous d'accord unanimes sur l'épée. يعني يتفقون على الخروج على. Donc ils sont tous d'accord sur le fait de sortir contre le gouverneur. هذا الحدث أو هذه القصة. Cet événement. هذا الحدث أو هذه القصة. Cette anecdote. تبين. Montre. مفهوم. La compréhension. La compréhension de la base. والوصف. Et la forme. فالأصل عندهم أصل ما اجتمع قوم في بيوتنا. Donc la base c'est bon. يذكرون الله. Les bonnes, il y a فالذي يراهم في بيت الله يذكرون. Alors, ils sont en conformité avec le début du hadith. Il dit ceux qui se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah. الخلل عندهم وقع في إيش؟ Le problème il est venu où؟ في الاتباع. وصف العبادة. Dans la conformité. Voilà, la conformité. Par rapport à la. ليس على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. Ce n'est pas en conformité avec la. فمن سوى دعوة على غير الأصل عنده أصل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الدعوة إلى الله بدعة يأتيك أحد هؤلاء يقول لك الدعوة إلى الله بدعة donc celui qui fait une دعوة qui دعوة vous allez chercher de façon pour toute دعوة il y aura une bonne base il y a un dalil pour ça mais لا الدعوة إلى الله ليست بدعة ولكن il y aura il faut une preuve et c'est ça peut donner une innovation si elle est mal faite وصفك وطريقتك هي البدعة voilà c'est le fait c'est la base on est d'accord la دعوة elle existe elle est bonne الصلاة c'est la façon dont tu le fais qui pose problème يأتي شخص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة le prophète il vient une personne vient et te dit la prière sur le prophète est une innovation لا لكن طريقتك هي البدعة bien sûr que non mais c'est la façon dont tu le fais qui est une innovation لا إله إلا الله لا إله إلا الله on hoche la tête à gauche et à droite et envers le haut هل ذكر الله والشهادة بدعة est-ce que le fait de faire Allah et le fait de prononcer la shahada est une innovation لا bien sûr que non لكن طريقتك هذه بدعة mais la façon de le faire en hochant la tête à gauche à droite et vers le haut est une innovation وهكذا et c'est comme ça que le reste suit فبعض الناس عنده أصل donc ces personnes à la base elles sont bonnes ils ont une preuve quoi avec eux يحتج به Il se sert de cette preuve. ولكنه على وصف. Mais il se trompe dans la forme. ينحرف به. C'est là qu'il s'écarte. والعبرة. Et le. أن يكون العبادة متكاملة. Et l'adoration doit être complète, pleine. Elle doit être bonne dans la base et dans la forme. والوصف. والزمان والمكان. Donc le nombre, la forme, le temps et le lieu. نحن الآن في مكان. Donc nous sommes dans un lieu. هذا المكان له خصوصية. Donc ce lieu a des particularités. وله عبادة قولية. Il a des actes, des actes d'adoration orale. إذن يأتي سؤال. اذكر عبادة قولية مكانية. Donc adorer, donnez-nous une acte d'adoration liée à un lieu. دعاء دخول المسجد. Donc le fait de la دعاء qu'on dit quand on rentre. وانظر أنها مكانية لا علاقة لها بالزمن. Elle est propre au lieu. Elle a aucun lien avec le temps. مهما دخلت المسجد لا علاقة لها بالزمن. Quel que soit le temps dans lequel tu entres dans le masjid, il n'a aucun lieu avec le temps, aucun rapport avec le temps. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد ها. Si le prophète صلى الله عليه وسلم dit si l'un d'entre vous entre dans le masjid. فلا يجلس. Qu'il ne s'assoit pas. حتى. Jusqu'à ce qu'il. يصلي. Jusqu'à ce qu'il n'ait prié. ركعتين دو ركعة. دو ركعة لا. لا لا لا. يصلي ركعتين. Jusqu'à ce qu'il prie de la carte. Pourquoi لأنها عبادة Parce que c'est une adoration مخصوصة في مكان précise, مخصوص précise لعدد précis, مخصوص à un nombre précis. يأتي شخص لو دخل بعد وقت الكراهة Il y a des personnes qui viennent, qui rentrent qui, à un moment où c'est détestable de prier. وقت الكراهة لا صلاة فيه Dans les actes, dans les moments détestables, il n'y a aucune prière qui est valable. هذا الذي دخل المسجد Celui qui est rentré dans la mosquée عبادته سببية C'est la bien-âme. Son adoration a un but, a une cause, a une raison. Parce qu'elle est en relation avec un lieu. Et on vient là avec le restreint et l'absolu. Donc elle est restreinte par rapport au lieu. Elle est en dehors du temps. Donc le temps, il est interdit. Parce que c'est interdit de prier à ce moment-là. Et par contre, ça devient autorisé parce que c'est l'endroit qui Donc c'est une adoration qui a une cause. S'il prie deux rakas pour les deux rakas de salutation de la mosquée, et il veut prier encore deux rakas après, que dirions-nous lui au moment de du moment que c'est détestable. ليس هذا وقت صلاة. Assieds-toi, c'est pas le moment de la prière. أنا قبل قليل صليت ما قلتم لي شيء. je viens juste de faire deux prières, deux unités, vous m'avez rien dit. لأنها عبادة سببية. Pourquoi? Parce que c'est une raison qui a une cause. سبب دخولك إلى. Et le, cette cause-là, c'est le fait que tu sois rentré. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإذا دخلت ولم تجلس صل. En fait, parce que le prophète dit, quand tu rentres dans une mosquée, ne t'assois pas sans que tu aies prié de rak'a. مطلق ومقيد. Donc absolu et général. فهناك مطلق في العدد. Absolu et restreint, pardon. Et donc, مقيد في الزمن. Donc il y a ici absolu dans le nombre. من قال لا إله إلا الله. Celui qui dit لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. Donc celui qui dit ça 100 fois. كان له وكان له إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. Il aura la même, il aura cela comme sauf une personne qui aurait dit plus que ça. فهنا في زيادة. Autant. Donc là tu peux dire plus. زيادة مطلقة. Et là c'est absolu, il y a pas de, il y a pas de limite. قراءة القرآن ليس لها. La lecture du Coran. اقرأ جزء جزئين ثلاثة. N'a pas de limite, tu peux lire autant que tu veux. ولكن ليس أقل من ثلاثة أيام. Mais pas avant trois jours, pas plus trois jours. وما قرأ الكتاب القرآن من قرأه في يوم. Et celui qui lit le Coran en un jour. ما يعقله. Il ne va pas être très attentif. Minimum 3 jours. 10 أجزاء في اليوم. 10 parties par jour. ذكر الله. Le fait de faire ذكر الله. الصلاة. Salat. من صلى علي صلى الله عليه بها 10. Celui qui prie sur moi l'a prié 10 fois. مفتوحة. C'est ouvert. مطلقة. Absolu. إذا عندنا عبادات مقيدة. Donc nous avons des adorations restreintes. إما بعدد. Par le nombre. أو بزمن. Par le temps. أو بمكان. Par le lieu. فليس لها تداخل. Donc il n'y a pas de relation. إذا دخلت السوق له دعاء. Si tu rentres au marché, il y a une adoration. إذا دخلت المسجد له دعاء. Si tu rentres dans la mosquée, il y a une dua. دخلت بيتك له دعاء. Si tu rentres dans la maison, il y a une dua. هذا مقيد وهذا مقيد وهذا مقيد. هذا c'est ça c'est restreint, ça c'est restreint, ça c'est restreint. هل آتي بأي دعاء في أي مكان وهو ليس لهذا المكان؟ Est-ce que je viendrai dans un endroit dire une dua qui a rien à voir avec, aucun rapport avec cet endroit? هل إذا دخلت البيت أدخل دعاء السوق؟ Si tu rentres dans ta maison, est-ce que tu vas dire la dua comme si tu rentres au marché? أو إذا دخلت البيت المسجد أدخل دعاء البيت. Et si tu rentres dans la mosquée, qu'est-ce que tu diras à la dua que tu dis quand tu rentres à la maison? لكل مكان الأمر مقيد. Tout endroit a sa restriction. هل تأتي بشيء محل شيء؟ Donc ne va pas donner mettre une chose qui n'est pas à sa place. قاعدة. Donc la règle. قاعدة. La règle. قاعدة. La règle. احفظوها. Apprenez-la. ليس في العبادات قياس. Donc il n'y a aucune analogie dans l'adoration. لماذا؟ Pourquoi؟ لأن نرجع إلى رقم واحد. Parce que nous revenons au numéro 1. الأصل في العبادة التوقف والمنع إلا بأمر. Donc la base dans l'adoration c'est l'interdiction, le fait de s'abstenir sauf s'il y a un ordre. هذا بعض ثمانية. Donc parmi ces 8 choses là. والانطلاق في هذا كثير عبادة قولية عبادة ليلية. Pourquoi aller plus loin? عبادة نهارية. Des adorations quotidiennes par jour du matin en groupe, ibada infiradiyya, des adorations ibada sirriyya, en secret, ibada jahriyya, à voix haute, ibada al-anwa kathira. Donc il y a beaucoup de formes d'adoration. ولكن الذي ذكرت لكم لعله يضبط عندكم المسألة. Je ne les ai pas énoncés pour que vous puissiez tous bien retenir. إذن هنا يتضح لك معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Et donc là vous avez un éclaircissement sur le verset que ô ma prière et mon immolation et ma vie et ma mort sont pour Allah le Seigneur des mondes. هنا تجد أن يومك مليء بالعبادة. Là tu verras ta journée est pleine d'adoration. هنا يتجدد عندك معنى الإسلام. Là ça se renouvelle le sens de l'islam. ويبدو أن مفهوم العبادة عندكم اتضح أكثر. Et là, apparemment, on espère, je espère que le sens de l'adoration s'est plus éclairci maintenant. صحيح. نرجع إلى الآية. Nous revenons au التي verset قرأناها. Que nous avons lu. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. هذا تفصيل بسيط في معنى قول هذه الآية. C'est une partie simple. ولو جلسنا الساعات الطوال. Mais si on reste des heures et des heures. كلام الله عظيم. La parole d'Allah est importante. وكلامنا قاصر. Et la nôtre beaucoup moins. ولكن انظر هذه الآية. Mais regarde ce verset. في تركيبها. Comment il est formé. الكلمات التي فيها. Des mots qu'il y a. وفي المعاني التي اشتملت. Et les sens dont on peut qu'on peut tirer de ce verset. هذا العبودية والتوحيد. Ça c'est l'adoration et l'unicité. نحن أخذنا الوقت. إن شاء الله نتوقف الآن وبعد العصر نكمل إن شاء الله. إن شاء الله بعد العصر إن شاء الله. خلاص. هذه مقدمة. تسجيل introduction. هذه مقدمة. introduction. في معنى العبادة. donc dans le sens de la définition de l'adoration. وفي الدرس القادم. donc au prochain cours. سوف يكون شرحي مختصر. donc ce sera une explication résumée brève. ولكن هذه مقدمة. ça c'est juste une introduction. تأصيلية. qui donne des bonnes bases. وبعدها أحكام تفصيلية. et après il y aura des règles plus précises. بالمناسبة. à l'occasion à l'instant à l'occasion. هذا التفصيل. cette précision. مع هذا التأصيل. avec ces bonnes bases avec ces bases là. لا يحبه أهل البدع. c'est les gens d'innovation n'aiment pas ces choses là. تعرفون لماذا؟ est-ce que vous savez pourquoi؟ لأنه يفسد عليهم كثير من بدعهم. parce que ça je comment dire. يفسد عليهم الكثير من بدعهم. à cause de ces règles là leurs innovations sont dévoilées au grand jour. الآن إذا أتاكم شخص. si quelqu'un de vient vous voir. يريد أن يحتفل بحب النبي صلى الله عليه وسلم. de faire la fête du prophète صلى الله عليه وسلم. ويجعلها عبادة سنوية محددة بيوم في السنة. il veut la faire une fois par an avec un. تقول له من أين لك هذا الدليل. tu lui dis d'où est cette preuve. هذه عبادة سنوية. c'est une adoration annuelle. وصاحب الدعوة والتبليغ. et c'est les gens سوف تقول له بأموره اليومية والشهرية والسنوية. qui dépense chez eux là. وصاحب أصبح عندكم تأصيل تردون به على أهل البدع. c'est comme des instruments, des bases pour pouvoir répondre à réfuter leurs. أهل البدع يريدونكم جهال. donc les innovations veulent que nous restions ignorants. يقودونكم كالشياة. ils nous guident comme des كالشياة. شاة. comme des moutons. وأهل السنة. Les gens de la Sunna يريدونكم أحرار. ils veulent que vous soyez libres. تنقادون لله. que vous obéissez à Allah. وتتبعون رسوله. et vous suivez la Sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. انقيادكم. votre soumission. عبوديتكم. votre adoration. تبعيتكم. votre suivi. ليست حزبية. elle n'est pas sectaire. ولا طائفية. ni nationaliste. إنما مسلم. سني سلفي. سني سلفي. تعبد الله. تدعو الله. تسير على السلف الصالح. تسير la voie des plus prédécesseurs. ما معنى سلفي؟ ما معنى كلا سيفيكاسيون دي مو سلفي؟ هو الذي يمشي على القرآن والسنة. celui qui suit le Coran et la Sunna. ويتبع السلف الصحابة. celui qui suit les compagnons les plus prédécesseurs. ومن تبعهم بإحسان. et ceux qui les suivent de la bonne façon. فبدل ما نقول أن تتبع القرآن والسنة والصحابة والتابعين لهم بإحسان نقول كن على طريقة السلف. et au lieu de dire toute cette grande phrase là on dit juste sois salafi. C'est clair. هذا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله بعد العصر إن شاء الله. السلام عليكم. اسحب الطرف. ادفع ماذا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس وعلى بركة الله نكمل التعليق على كتاب التوحيد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وهو محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت le livre s'appelle donc le livre de l'unicité Allah le Très-Haut dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent et il dit nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorer Allah et écartez-vous du tarot. Pour par honnêteté, la traduction, c'est celle du livre des éditions Anas qui est sur Internet, hein, c'est pas la mienne. Voilà, que l'on fait. Je vais te dire. Oui. Non, pas de problème. Pas de problème. بينا العنوان كتاب التوحيد. Nous avons montré le sens du livre du titre livre de l'unicité. ومعنى الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et le sens du verset je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. ما معنى يعبدون؟ Quel est le sens de qu'ils m'adorent؟ يقول ابن عباس. Ibn Abbas dit. كما ذكر ابن جرير الطبري. Comme cela a été rapporté chez Jarir al-Tabari dans son exégèse. Donc qu'il m'adore ou qu'il m'unifie. Donc qu'il m'adore donc qu'il m'unifie. C'est le sens du verset. ذكرنا في المجلس السابق. Donc nous avons rappelé dans la séance précédente. شيئا من أحكام العبادة. Des choses qui ont trait à l'adoration. Nous ذكر. On révise. مستعدين. Vous êtes prêts? ما تعريف العبادة؟ Quelle est la définition de l'adoration? بالفرنسي. ما تعريف العبادة؟ Quelle est la définition de l'adoration? في الأخير على الكرسي. نعم. هل سمعتم؟ لا أسمع. تسمعون؟ لا أسمع. ارفع صوتك. Élève la voix, entends mal. La sincérité envers Allah et la conformité avec la Sunna. أنا أتكلم عن تعريف العبادة وليس شروط العبادة. Demande la définition d'adoration, pas les conditions d'adoration. أنا لا أعرف فرنسي بس هو قال لي. C'est l'interdiction. هي تعريف العبادة. طيب. ها. نعم بالفرنسي الفرنسي الفرنسي نعم أحسنت طيب هذا التعريف c'est la définition تكلمنا عن واحد وجوابه واحد on avait parlé d'une chose et d'une réponse اثنين وجوابه اثنين donc deux et deux ثلاثة جوابه ثلاثة. Trois et trois. ما هو ثلاثة وجوابه ثلاثة. Quel est le sujet de la troisième question avec les trois réponses. بالفرنسي. En français. نعم. وهي. Donc les piliers de l'adoration, c'est bon, mais la réponse, les trois. طيب أنواع العبادة. Donc les formes d'adoration. ذكرنا أنها كم نوع. Combien de formes. كم نوع؟ كم نوع؟ أربعة. أربعة. طيب. ما هي الأنواع الأربعة؟ Quelles sont les quatre formes؟ نعم. أربعة صوتك. Élève la voix. هكذا عرفت. هذا ما دخل به المخ. بارك الله فيك. من خلال أمور العبادة. Donc à travers les actes d'adoration, les choses qui sont attirées aux actes d'adoration. أصبح الإنسان يشعر في حياته أنها لا تخلو لحظة من عبادة. On a l'impression que avec ces choses, on a l'impression qu'il n'y a pas un moment où on n'a pas une relation avec l'adoration. وتذكرون كلام بعض السلف ولولا أن تحك رأسك إلا بدليل. Donc vous vous rappelez la parole des plus prédécesseurs, tu te grattes la tête sauf s'il y a une preuve. Toutes choses, tous tes mouvements, tu les observes. Et tu les fais en sorte que ce soit des adorations car tu es un serviteur d'Allah. Donc cette adoration, donc il n'y a pas aucun moyen de la connaître. Sauf si ce n'est par la révélation. C'est pour ça que Allah a envoyé aux gens les messagers et les prophètes. التي تدل على ذلك. Il a ramené la verset qui montre cela. وهو قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tagout. إذن هذه دعوة الأنبياء والرسل. Ça c'est le prêche des messagers et des prophètes. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك نعم. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. إذن هذا الذي قضاه الله وأوجبه وأمر به. Donc c'est ce que Allah a décidé et il a ordonné. Alla ta'budu. Donc n'adorez point, n'adorez pas autre chose. Illa iyyah. Sauf Allah Azza wa Jalla. هذا معنى لا إله إلا الله. Telle est la signification de لا إله إلا الله. لا إله. Donc nulle divinité. Nafi. Qui annule. Illa Allah. Négatif, donc, sauf Allah. Ithbat. Qui affirme. Alla ta'budu. N'adorez point. Nafi. Négation. Illa iyyah. Ithbat. Sauf lui. Affirmation. Wa qadha rabbuka. Allah a ordonné. Alla ta'budu illa iyyah. De n'adorer que lui. Mithil. Wa qadha rabbuka. Et c'est comme si on disait. La ilaha illallah. Comme si Allah avait dit, il avait ordonné la ilaha illallah. Ça c'est le sens de la ilaha illallah. Donc nul ne mérite d'être adoré en vérité sauf Allah. Ça c'est l'adoration envers Allah. Donc n'adorez personne, n'adorez rien sauf lui en vérité. Donc nulle divinité sauf Allah ne mérite d'être adoré. Est-ce que le sens est clair? قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien. قل لهم يا محمد. Dis-leur, ô Muhammad. تعالوا. Venez. أتلوا عليكم ما حرم ربكم. Je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. أخبركم بهذا الدين. Je vais vous informer au sujet de cette religion. بماذا يخبرهم؟ ألا تعبدوا. Et de quoi leur a-t-il informé de le fait de rien lui associer, rien associer. Donc c'est ce que Allah nous a ordonné. Donc Allah a interdit de lui associer quoi que ce soit. Nafi. Négation. Complète. Kamel. Parfaite. La yustathna min shay. Rien ne peut être sorti de cela. Ne lui donnez aucun associé. Quel qu'il soit. Que ce soit un ange rapproché. Que ce soit un prophète envoyé. Que ce soit un homme pieux. Ou autre chose que ça. Un arbre. Des pierres. Des hommes. Les vaches. Il y a beaucoup de personnes qui adorent les vaches et qui adorent les pierres qui adorent les hommes. Et nous sommes ordonnés, nous avons été ordonnés d'adorer Allah et nous ne lui associons rien du tout. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Et adorer Allah et ne lui donner aucun associé. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصف محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. ابن مسعود قال الله غير دي quiconque voudrait lire le testament de Muhammad صلى الله عليه وسلم sur lesquels il aurait apposé son sceau, qu'il lise la parole d'Allah, le Très-Haut, dit « Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Jusqu'à sa parole, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers. Ça, c'est la recommandation du prophète. Donc, s'il avait écrit autre chose que ça, ça n'aurait pas été autre chose que cette recommandation d'Allah pour nous. Ça, c'est la recommandation donc d'Allah. Et la fin de ce verset a été terminée par quoi ? ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Donc et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers et ne vous séparez pas, ne divergez pas. Voilà, c'est ce qui vous a ordonné pour que vous atteigniez la piété. فَإِذَا كُنْتُمْ عَلَى هَذَا الطَّرِيقَ أَفْلَحْتُمْ. Donc si vous êtes sur cette voie-là, vous serez parmi les gens de la félicité. إِذَنْ هَذَا الَّذِي قَضَاهُ وَهَذَا الَّذِي أَوْجَبَهُ اتَّبِعُوهُ وَلَا تَتْرُكُوهُ. Donc c'est ce qui a été ordonné, donc vous devez le suivre et délaisser le reste. فَهُوَ وَصِيَّةُ اللَّهِ وَوَصِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ لَكُمْ. Donc c'est la recommandation d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam pour nous, pour vous. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ إِذَنْ هُوَ وَصِيَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Donc c'est cette chose-là, donc c'est la recommandation d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشر هم لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه في الصحيحين. Mu'ad ibn Jabal rapporte, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne, il me dit, ô Mu'ad, sais-tu quel est le devoir des serviteurs envers Allah et quel est son devoir envers eux? Je répondis, Allah et son prophète sont plus savants. Il continua alors, le devoir des serviteurs envers Allah est qu'ils l'adorent sans rien lui associer. Et son devoir envers eux est qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui ont rien associé. Je m'écriai, ô prophète d'Allah, puis-je répandre cette bonne nouvelle parmi les gens? Il dit, ne l'annonce pas, car il risquerait de ne se remettre qu'à cela. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith al-Radif. Donc ce hadith-là, le prophète était sur un âne. Il y a beaucoup de choses très importantes. Donc Mu'ad était assis devant le prophète sallam sur un âne. Ça montre quelque chose, ça montre l'humilité du prophète sallam. Il montait sur un âne. Et il mettait une deuxième personne dessus. Et si la bête pouvait le supporter, pas de problème. Et malgré cela, voilà. Donc il a utilisé ce temps-là, il l'a utilisé pour une chose bénéfique. Mu'ad est un bon comportement. Il ne veut pas poser trop de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fait montre d'un bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait l'encourager à qu'il pose la question. Il l'a posé une question pour laquelle c'est lui qui allait répondre. Il lui a dit, ô Mu'ad, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et quels sont les droits des serviteurs sur Allah? Mu'ad ne sait pas. Et il a un bon comportement. Il lui dit, Allah et son messager sont plus savants. Si on nous pose une question aujourd'hui, on dit seulement Allah, Allah est plus savant. Et pendant que le prophète était vivant, on pouvait dire Allah et son messager sont plus savants. Parce que le prophète, c'est Allah qui lui enseigne. Tant qu'aujourd'hui, le prophète est décédé, donc c'est fini. On peut plus dire Allah et son prophète sont les plus savants. Donc Mu'ad à cette époque a dit Allah et son messager sont plus savants. Il lui répondit, donc le droit d'Allah sur ses serviteurs qu'il l'adore et ne lui associe rien. Et les droits des serviteurs sur Allah, qu'il ne châtie personne qui ne l'associe pas. Et c'est un mérite, c'est un honneur. Et il n'y a rien en échange. C'est un don. Donc c'est devenu obligatoire pour lui. Donc il le rend obligatoire pour lui. Ce qui est conformité avec sa sagesse. Donc il est, mon amour est obligatoire pour ceux qui s'aiment pour moi. Et donc il interdit pour lui-même ce qui est en conformité avec sa sagesse. Donc il interdit l'injustice sur lui-même. Et il interdit entre vous. Donc c'est un honneur, ce droit est un honneur. C'est pas une récompense en échange de quelque chose. Si on fait quoi que l'on fasse, c'est très peu par rapport à la remerciement qu'on pourrait avoir envers Allah. Alors qu'il est généreux et il est pardonneur et miséricordieux. Donc il lui a dit, est-ce que j'annonce la bonne nouvelle aux gens? Il était content. C'est une bonne nouvelle. Il lui dit non. Donc, de peur qu'ils ne s'en remettent pas, ils ne s'en remettent qu'à cela. Donc, ils oublient, il leur a fait oublier le mérite. Donc, la concurrence dans le fait de faire des bonnes actions. Donc, ils ont continué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Beaucoup de compagnons sont décédés. À la fin de la vie de Mu'ad, il a informé ce hadith. Il a fermé les gens, ce hadith. De peur de garder la science pour lui. Donc il a informé les gens au sujet de ce hadith. Ça n'a pas empêché les sahaba de continuer à se concurrencer dans les bonnes actions et c'est ce qu'ils ont fait. Et ceux qui rapportent ce hadith fait partie de ces gens-là. فيه مسائل باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله le très haut a dit dans le chapitre 2 du mérite du chapitre 1 pardon du mérite du tawhid et des péchés qu'il permet d'expier. Allah le très haut dit: ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, entre parenthèses association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ce chapitre, il est bâti sur deux choses. Premièrement, le mérite de l'unicité. Et la deuxième chose, la récompense de ceux qui pratiquent l'unicité. باب فضل التوحيد. C'est donc le chapitre du mérite de l'unicité. وما يكفر من الذنوب. Et ce qu'il explique comme péché. إذن هذا أمرين. له فضل. Donc deux choses, le mérite. وله أيضا كفارة. Et aussi le fait qu'il expie les péchés. ثم أورد الآية. Puis il a ramené le verset. الذين آمنوا. Donc ceux qui ont cru. أيوحدوا الله. Ceux qui ont adoré Allah, unifié Allah. ولم يلبسوا. Et n'ont pas troublé la pureté de leur foi. Donc n'ont pas mélangé leur adoration, leur foi, leur croyance. Donc leur unicité. Leur foi dans le sens de l'unicité. Donc ce sens de ce verset-là, donc ceux qui ont amené, donc ceux qui ont cru et qui n'ont pas. Donc ceux qui ont cru et donc qui ont pratiqué l'unicité d'Allah et n'ont pas troublé la pureté de leur foi, donc ils n'ont pas s'allient entre guillemets leur tawhid avec du shirk ou de la justice. Ceux-là ont la sécurité. Donc la sécurité dans ce bas monde. La sécurité dans l'autre deux mondes. La sécurité le jour où tout le monde sera ressuscité. La sécurité dans leur pays. Dans leurs biens. Dans leurs états. Et ça c'est la promesse d'Allah. Allah ne manque pas à sa promesse. Sauf si la personne ne réalise pas une condition. Et s'il ne pratique pas cette condition, il ne mérite pas cette récompense. Ces gens-là, ce sont là qui ont la sécurité. Et ce sont eux les bien guidés. Guidés. Quand celui qui réfléchit, qui regarde ce qui se passe dans le monde islamique, et tout ce qui se passe comme choses qui sont tristes et qui sont tristes à entendre, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, donc la sécurité qui n'existe plus, et la vie qui devient difficile, et l'économie faible à cause de l'énorme développement du shirk et la petitesse du tawhid. Et la preuve de cela, c'est ce verset. Et un autre verset. Donc ceux qui ont cru. Et donc pour troubler la pureté de leur attention, ça c'est clair. Et l'autre verset, qu'ils adorent le Seigneur de cette maison, qui les a nourris de par la faim, qui les a nourris alors qu'ils étaient affamés, et qui leur a donné la sécurité alors qu'ils étaient dans la peur. Donc s'ils veulent l'abondance et le ils ne veulent pas le contraire, donc la sécurité n'est pas le contraire, qu'ils adorent Allah seul sans rien lui associer. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وعد الله الذين اذن هناك وعود كثيره il y a beaucoup de promesses لمن حقق التوحيد pour celui qui aura réalisé l'unicité امن la sécurité وامان la sécurité واطمئنان la quiétude وراحة بال l'âme paisible et le fait de se sentir bien, se sentir apaisé. Ça, c'est le mérite du tawhid. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه ولهما في حديث عدبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عبادة بن صامت a dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit quiconque atteste qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah unique et sans associé que Muhammad est son serviteur et messager que Isa est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il envoya à Maryam et une âme venant de lui, que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, entrera au paradis, quels que soient ses actes, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc ce qui a retiré de ça, c'est qu'Allah le rendra au paradis, quels que soient ses actes. Donc même s'il avait des manquements, tant qu'il a du tawhid, Allah le rendra au paradis. أنا قلت لكم في البداية أننا تكلمنا عن تأصيل أمور وفصلنا فيها والتعليق على الكتاب سوف يكون بهذه الطريقة. Donc j'ai prévu que les annotations par rapport au texte seront simples et concises, précises. فكل ما سيأتي معنا مما له علاقة بقبل سنحيل إحاله إليه فتنضبط المسألة معكم. Tout ce qui a rapport à ce que vous avez vu auparavant, on l'enlèvera et comme ça les toutes choses seront, elles s'enclencheront, tout ça qu'on fera inchallah. في تفصيلات الإفادة عن أحكام العبادة. Donc dans les détails de l'adoration sur les jugements de l'adoration. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقرب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقربها مغفرة. Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Moussa a dit: Seigneur, enseigne-moi une chose au moyen de laquelle je me souviendrai de toi et t'invoquerai. Allah dit: Dis ô Moussa, il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Moussa s'écria: Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Allah dit alors: Ô Moussa, si les sept cieux et leurs occupants, mis à part moi, et les sept terres étaient posées sur un des plateaux d'une balance, et que la parole: Il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah était posée sur l'autre plateau, la balance pencherait du côté où est posée cette parole, rapportée par Ibn Hibban et Al-Hakim qui l'ont authentifié. Et At-Tirmidhi rapporte dans un hadith qu'il considère Hassan. D'après Anas, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah le Très-Haut a dit: Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec des péchés pesants presque autant que la terre, et que tu me rencontres sans rien m'associer, je viendrai avec toi, à toi, avec autant de pardon. Le hadith, الذي أتى فيه ذكر موسى عليه السلام. Donc le hadith qui mentionne Moussa alayhi salam. يذكره الله بلا إله إلا الله. Allah lui enseigne لا إله إلا الله. Lui rappelle لا إله إلا الله. فالأنبياء يذكرهم الله بذلك. Donc Allah enseigne aux prophètes cette chose-là. ونحن أولى بالتذكير. Et nous de par la force des choses. فلا يأتي شخص ويقول نحن مسلمون نحن على التوحيد يكفي خلاص ما يحتاج يتعلم توحيد. Donc c'est pas une personne doit venir elle dit nous on est musulmans ça suffit on n'a pas besoin d'apprendre le tawhid l'unicité. نحن بحاجة أن نذكر بذلك ونذكر ونذكر ونذكر. Donc on a fort besoin de se rappeler de cette chose là, plusieurs fois. نداء المؤذن كل يوم يذكرنا بالتوحيد. Donc l'appel à la prière du muadhin toujours nous rappelle le tawhid. ولذلك بعد الأذان نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. C'est pour ça qu'après l'adhan on dit oh Allah cette دعوة parfaite. هذه دعوة. C'est un appel. إذن فضلها أن السماوات السبع كلها وعامرهن والله أعلم بعمارها لا تعادل في وزنها لا إله إلا الله. Donc tous les sept cieux, les occupants, et si les sept terres étaient posées sur un plateau d'une balance et que la parole n'y a pas de divinité en droit d'être adorée, si ce n'est Allah, était posée sur l'autre, tout ça, dans toutes ces choses-là, n'équivaudrait pas à la seule parole, la ilaha illallah. La ilaha illallah, azim. Donc le fait d'adorer Allah sans rien lui associer est très important. Celui qui a mis en pratique l'unicité sera fait partie des gens de la félicité. Prends garde à ne pas tomber dans le polythéisme. Par ta langue, قلبك, ton cœur, أعمالك, tes actes, انتبه, اجعلها كلها لله. Sois attentif, qu'il n'y ait aucune chose pour autre qu'Allah dans ces choses-là. حتى لا تصبح شقي. Pour que tu ne sois pas partisan qui perd, qu'il fallait perdre. Tu travailles, tu mets beaucoup de choses, en application et tu n'auras rien en retour. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذه آية توضح ذلك. نعم. سيد فارس اللي فارسلها على الغاشية تكون وتشاء الله تكون القرآن في هذا. نعم. المعنى إكزاك سيد فارس. نعم. باب من حقق التوحيد. والحديث اللي بعده ابن آدم. الحديث يقول: بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. Là, le Très-Haut a dit au fils d'Adam, si tu viens à moi avec des péchés pesants presque autant que la terre et que tu me rencontres sans rien m'associer, je viendrai avec toi avec autant de pardon, et dans une autre version, et cela ne me fait rien. Cela montre l'importance, le mérite du Tawhid. Donc les bonnes actions du Tawhid sont des lumières. Cette lumière brûle les mauvaises actions. كن موحد soit un mouahid, quelqu'un qui pratique le tawhid. Et fais attention. Et le tawhid t'aide à ce que ton adoration, ton comportement, etc. soit bien, soit bon. باب من حقق التوحيد ودخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد دخل. ما فيها واو. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أنا كاتب واو. لا في نقطة معلش. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال. والذين هم بربهم لا يشركون. Allah le Très-Haut dit, Abraham, était un guide parfait, une umma lui tout seul. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Et il dit, ceux qui à leur Seigneur n'associent rien. Abraham était une communauté à lui seul. Parce qu'en une seule personne étaient réunies toutes les caractéristiques d'une communauté. Hanifan. Sur la rectitude. أي مائلا عن كل طرائق الشرك والانحراف. En dehors de tous les chemins de shirk, de polythéisme et de déviance. مسلما. Soumis à Allah. ولم يكن من المشركين. Il ne faisait pas partie des polythéistes. إبراهيم ما كان يوما مشركا. إبراهيم n'a jamais été polythéiste. وما عبد الأصنام. Il n'a jamais adoré les statues. ولذلك هو أبو الأنبياء. C'est pour cette raison qu'il est le père des prophètes. أي محقق للتوحيد. Donc parce qu'il a mis en pratique l'unicité. والذين هم بربهم لا يشركون هذا وصف سادات الأولياء والأنبياء. Ce qui a leur Seigneur nos chrétiens, c'est une description des grands prophètes. فهم لا يشركون. Ils ne font pas de polythéisme. Ils n'associent rien. أيضا نبين ما معنى تحقيق التوحيد. Là, nous allons montrer ce que c'est le fait de réaliser le tawhid. ما معنى تحقيق التوحيد؟ Quelle est la signification de la réalisation du tawhid? اكتب. Écrivez. اكتب. تخليصه من ثلاث. C'est le fait de le purifier de trois choses. واحد. Premièrement. من الشركيات. Des actes de polythéisme. اثنين. Deuxièmement. من البدعيات. Le fait de le purifier des innovations. ثلاثة. Troisièmement. من كبائر الذنوب. Les grands péchés. صيغة أخرى. Une autre façon. ألا ينقض أصله بشرك أكبر. Qu'il n'annule pas sa l'origine, la base par un شرك أكبر. Par un grand le grand polythéisme. يعني إذا وقع في الشرك الأكبر. Donc s'il tombe dans le grand polythéisme. Son tawhid est nul. مثل الذي على وضوء. Comme celui qui est en état d'ablution. ونقض وضوءه. Et qui perd ses ablutions. على توحيد. Il est sur l'unicité. وقع في شرك أكبر. Il est tombé sur le grand polythéisme. Le plus grand polythéisme. Son unicité est vanée, pourrie. انتقض إسلامه. Son islam est mort. شخص اغتسل في البحر. Une personne a pris un bain dans l'eau. Dans خرج la mer. منه بول. Il est sorti de lui et de l'urine. Il n'est plus sur la pureté. رجل موحد عنده أعمال. Et un homme pieux موحد qui pratique l'unicité, il y a beaucoup d'actions. وقع في الشرك الأكبر. Il est tombé dans le polythéisme le plus grand. انتقضت أعماله. Ses actions sont vaines. كذلك. De la même façon. وألا ينقص كماله بشرك أصغر. Et qu'il ne كمال التوحيد. نعم. Qu'il ne réduise pas la perfection sur tawhid par le petit shirk, le petit polythéisme. ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ Quelle est la différence entre le plus grand polythéisme et le plus petit polythéisme? الشرك الأكبر. Le plus grand polythéisme fait sortir la personne de la religion. وينقض إسلامه. Et il annule son islam. مثاله. Exemple. عبادة غير الله. Le fait d'adorer autre qu'Allah. يسجد لغير الله. Il se prosterne pour autre qu'Allah. Il s'incline pour autre qu'Allah. يذبح لغير الله. Il égorge, il immole pour autre qu'Allah. يتعلق قلبه بغير الله ويتوكل عليه. Il relie son cœur à autre qu'Allah. يستغيث بغير الله. Il demande le secours à autre qu'Allah. كل هذا مما يقع فيما ينقض أصل. Tout cela fait partie des choses qui annulent l'unicité dans l'islam. Le shirk le plus petit, c'est ce qui peut arriver dans la parole de certaines personnes. Le fait de dire si Allah est telle personne, alors qu'il n'y a personne avec Allah. Donc dites Allah puis quelqu'un, puis cette personne. Personne. يرائي في أعماله يريد فلان يراه يريد فلان يثني عليه انتبه نفسك من هذا. Il veut que les gens le voient. Il veut que les gens le voient. Fais attention de ne pas tomber dans cela. النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit. أخوف ما أخاف عليكم. La chose la plus grave pour laquelle je crains pour vous. الشرك الأصغر. Le petit polythéisme. ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. Quel est-il? Il a dit l'ostentation. من الخائف هنا؟ Qui est celui qui a peur? Il dit dans cette question. من هو؟ Qui est-il? رسول الله. Le messager d'Allah. من المخوف عليه؟ ceux qui sont concernés par ça. الصحابة. Les compagnons. رسول الله يخاف على الصحابة. Le prophète صلى الله عليه وسلم craint pour ses compagnons. ماذا نقول على أنفسنا؟ Que dire de nous؟ رسول الله يخاف على الصحابة. Messager. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. Donc le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم craint pour ses compagnons. Le petit polythéisme. وفي أسماء أخرى له اسمه الشرك الخفي. Il y a un autre nom qui s'appelle le chef le caché. La personne peut faire beaucoup d'actes, mais il tombe dans l'ostentation. Donc c'est devenu en fait un mesquin. Il se fatigue. طيب بالفرنسي مسكين ايش يكون ولكن pauvre le pauvre l'âme le pauvre طيب والفقير لك كذا هذيك يعني لاديجون في اسماء هذه لكن المسكين معروف كل شيء يعني تحت الفرنسي طيب هذا بالنسبه لما يتعلق بالاكبر والاصغر بروسيسكي الاصغر لا يخرج من الاسلام دونك لو بيتيت في باسور دو الاسلام ويدفن في مقابر المسلمين. Donc la personne qui meurt sur sa sœur est enterrée dans les cimetières musulmans. Al-Akbar ما يقبر في مقابر. Et par contre celui qui fait commet un acte de shirk akbar. لا يرث ولا يورث. On n'hérite pas de lui, on n'hérite pas de lui, il n'hérite rien. الأصغر يرث ويورث. Tandis que le petit il hérite et on hérite de lui. الأصغر. Donc le plus petit polythéisme. أشد من الزنا. C'est pire que la fornication. وأشد من شرب الخمر. C'est pire que boire de l'alcool. وأشد من قتل النفس. C'est pire que tuer une personne. فليس كونه أصغر أنه أمر سهل. C'est pas parce que c'est une petite chose que c'est quelque chose qui est facile, léger. هو يدخل في قوله تعالى. Ça rentre dans la parole d'Allah. إن الله لا يغفر أن يشرك به. Allah ne pardonne pas à celui qui lui associe. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Il pardonne en dessous de ça à qui il veut. فالشرك الأصغر في مسمى الشرك. Donc le shirk al-asghar, le petit shirk rentre dans le shirk. وما دون ذلك هي الكبائر. Et en dessous de ça, c'est les grands péchés. والكبائر. Et les grands péchés. تحت المشيئة. C'est sous la volonté d'Allah. إن شاء الله غفر له. S'il veut, il lui pardonne. وإن شاء عذبه. S'il veut, il le châtie. اللهم اغفر لنا يا ربنا. اللهم اغفر لنا أجمعين. Allah qu'Allah le pardonne. والله كلنا نخطئ ونخطئ. Nous faisons tous des fautes. نسأل الله التوبة. Et demande à Allah qu'il nous accorde la rafraîchir. Et qu'il fasse partie de ceux qui rentrent dans sa volonté. Et qu'il nous donne l'intercession de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïda, wa la yukhillu bihi bi bid'atin aw kabira aw israrun ala saghira. احنا قلنا لا ينقض اصله بشرك اكبر دوك الشرك الاكبر ولا يخل كماله بشرك اصغر ولا يخل ببدعه او كبيره او اصرار على صغيره لا يمكن لكم ان تبدوا كل انوفاسيون وكيل كونتينيو با à faire des petits péchés. ما معنى البدعه؟ Quelle est la signification de l'innovation? طريقه في الدين مخترعه. Une chose qui était inventée dans la religion. في الدين. Dans la religion. اما الابداع في الدنيا نريد مبتدعا. Alors que dans la dunya on veut des innovateurs. نريد مبتدع يبتدعون ويخترعون. On veut des innovateurs qui créent des nouvelles choses. محدثات. Qui créent des nouvelles choses. واختراعات. لا بأس. Il n'y a pas de mal à ça. لا عيب في ذلك. Il n'y a aucun mal à ça, au contraire. ولكن العيب في الدين. Par contre, le mal est dans la religion. L'innovation dans la religion. الدين كامل. لا parce que notre religion est complète. Parfait. والدنيا الناس تعمرها. Et la dunya, les gens la rempliront. وتتجدد إبداعاتها فيها. Et les innovations se renouvelleront. لأن البدعة. Car l'innovation. هي إيجاد الشيء على غير مثال سابق. C'est une chose qui a été créée sans exemple précédent. بديع السماوات والأرض أي أوجدها على غير مثال سابق لها. Donc celui qui a créé les cieux et la terre, donc il l'a créé sans un exemple précédent, sauf qu'il y a l'exemple avant. تعريف البدعة في La définition de l'innovation dans la religion, définition religieuse de l'innovation, donc c'est une voie dans la religion innovée, qui met au même niveau qui se met au même niveau que la voie religieuse, pour laquelle il n'y a aucune preuve. À la base et par la forme. تذكرتم كلمة أصل وفصل. Est-ce que vous vous souvenez la forme? طريقة في الدين مخترع يعني شيء جديد. Donc une chose nouvelle. أرجعكم إلى حديث أصحاب الحلق. Donc je vous rappelle le hadith avec ceux qui étaient en assise autour d'un des cailloux. تكلمنا عليه في المجلس السابق تذكرونه؟ كنا discuté tout à l'heure. أيوة. فهم اجتمعوا عندهم أصل. Donc ils se sont réunis, ils ont une base. ولكن بدعتهم في الوصف. Donc leur innovation est dans la forme. أن طريقتهم في الذكر ليست الواردة. La façon de faire le dhikr n'est pas apportée. من عد الحصى ومن الأمر بالذكر. Faites compter les cailloux, etc. والأصل في الذكر. Alors que la base dans le rappel, dans le dhikr. أنه ليس أمر للناس إنما ندب. النبي يدل. من قال كذا له كذا من قال كذا له كذا وهذا يقول قولوا مئة كبروا مئة في أمر البروفيسور صلى الله عليه وسلم dit faites cela faites cela faites cela alors que lui disait dites ça dites ça dites ça ووصف الاجتماع et la forme la comment ils étaient réunis en comptant les cailloux بدعة c'est une innovation لم يأتي عن رسول الله le professor صلى الله عليه وسلم ne faisait pas اليوم لو جينا وجدنا بعض لو أتينا وجدنا بعض الناس يجتمعون ويفعلون هكذا قلنا ما شاء الله على خير Alors que si aujourd'hui on voyait ces genres de personnes faire ce genre de choses, on dirait, Masha'Allah, ils seront sur le bien. Et non, au contraire, ils seront sur le mal. Le bien est dans le fait de suivre la sunna du prophète, dans le fait de suivre la religion. C'est pas parce qu'une personne dit qu'elle pense faire du bien que ça suffit pour que son acte soit bon. لابد مع النوايا الطيبة الأعمال الصحيحة. il faut que les bonnes actions, les bonnes intentions soient suivies des bonnes actions. لابد مع الإخلاص الاتباع. avec la sincérité, la pureté de l'intention, il faut le suivi, la sunna. كما أن الاتباع بعدم الإخلاص ما ينفع. comme la conformité dans la sunna avec sans pureté de l'intention n'est pas valable. لأنه وقع في الشرك. car il est tombé dans le polythéisme. كذلك الإخلاص. de la même façon. الابتداع ما ينفع. De la même façon, la sincérité de l'intention avec l'innovation n'est pas valable. Car il est tombé dans l'innovation. Et c'est rejeté. Il est tombé dans le polythéisme. C'est rejeté. Donc ces deux voies sont rejetées. La troisième. Et cette troisième voie qui tombe à la fois dans le polythéisme et l'innovation. La quatrième est celle qui est acceptée. Donc qu'il soit pur dans son intention, dans ses actes, et qu'il suive la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc combien de formes ici? Quatre. Qui sont ceux qui sont sauvés? Pour ceux qui sont égarés? Trois. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت

il a coupé ce chemin-là. أما إني لم أكن في صلاة. Il a pris, il a dit tout de suite, je n'ai pas prié. نعم يعني حقا أنا ما كنت قائم من أجل الصلاة. Il a dit véritablement, je n'étais pas en prière. حتى ما يظن به ظن. Jusqu'à de telle sorte qu'on ne pense pas de lui. Alors pour lui faire l'éloge d'une chose qu'il n'a pas faite. Vous avez vu la balance précise. Aujourd'hui, certaines personnes. Il veut que toute chose qui arrive, c'est grâce à lui. Tu as vu telle personne et telle personne. C'est moi qui ai fait cette chose-là pour eux. Et eux, quand ils ont fait cette chose-là, c'était moi la raison. Et celui qui a dit cette chose-là, c'est parce que c'est moi qui ai dit cette chose-là. Et il fait toutes ces choses qui sont faites, il les rapporte à lui. Donc il s'habille du vêtement du mensonge. والنوعيات هذه موجودة. Et ces gens-là existent. لا كثر الله. Qu'Allah ne fasse pas qu'ils soient beaucoup. قال أما إني لم أكن في صلاة. Donc il a dit moi, quant à moi, je n'étais pas en prière. ولكني لدغت. Mais j'ai été piqué par un scorpion. ترك الموضوع ويسألون عن صحته. Donc ils ont délaissé le sujet, ils lui ont posé la question sujet de sa santé. يعني الآن أنت سليم أمامنا. Donc maintenant tu es en bonne santé devant nous. ماذا صنعت؟ Qu'as-tu fait? Donc j'ai demandé qu'on pratique une ruqya. J'ai fait ruqya sur moi-même. Donc le par rapport à ce qui est rapport à la ruqya, on le verra plus tard dans un autre chapitre. Peut-être après le maghrib ou demain. Donc j'ai demandé à ce qu'on fasse une ruqya. Et qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte? Quelle est la preuve de cette chose-là? C'est comme ça qu'ils étaient nos salafs, les plus prédécesseurs. Il fait une chose, quelle est la preuve? Il n'a pas fait, il ne s'est pas contenté, il ne s'est pas contenté. Il ne s'est pas contenté d'accepter sa parole, il a demandé sa preuve. C'est pour ça que les gens de la sunna, il est content quand on lui demande quelle est la preuve. Et celui des gens d'innovation, il s'énerve. Si on lui demande quelle est la preuve, pourquoi il dirait pourquoi tu ne me crois pas? Tu n'es pas d'accord avec moi? Ça n'a aucun rapport avec ça. Avec cette personne, avec ta personne. Je ne suis pas parce que je ne te suis pas parce que c'est toi. Oh, je te suis aveuglément. Informe-moi. Quel est ton dalil? Quel est ton dalil? Quel est ta preuve? Je veux adorer Allah avec un ordre clair. Je vous ai laissé sur une voie claire. De jour comme de nuit. Donc, ne t'énerve pas sur ta demande. Quelle est ta preuve? Il s'énerve. Celui qui n'a pas de preuve. Celui qui n'a pas de preuve s'énerve. يغضب من يبتدع ولا يتبع. Celui qui innove et ne suit pas la sunna, c'est celui-là qui s'énerve. أما المتبع. Alors que celui qui suit la sunna ne s'énerve pas. والحجتي كذا وكذا. Ma preuve était là et celle-là et celle-ci. قال ما حملك على ذلك. Qu'est-ce qui t'a poussé? Donc il dit qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? قال حديث حدثنا ثم ذكر حجته. Donc c'est un hadith qui lui a été rapporté. Il a ramené ce hadith. انتقلوا بعد ذلك إلى أمر آخر. Donc من عين أو حمى يعني من نظرة العين الرقية الإنسان يرقي نفسه. أو حمى شيء لدغة عقرب ثعبان دبور أبقى سوبرتي سور أو شيء يقرص لا. Donc ils sont après partis sur un autre sujet. Donc point le prophète حشرة لها مادة سمية. Donc de point de ruqya sauf contre le mauvais œil ou le venin. Donc la ruqya contre le mauvais œil, donc on connaît le venin, c'est le scorpion, la guêpe, ce genre de choses. حشرة لها مادة سمية. Ouais, ça, ou une plante qui a du venin dans أي نوع منها هذه. Toutes ces choses là. C'est rendre le mot ladra dans la piqûre. وفرق بين اللدغة والعضة. Donc une différence entre la piqûre et la morsure. العضة للثعبان. Donc la morsure c'est les serpents. واللدغة. Et la piqûre. العقرب وأخواتها. Les scorpions et leur famille. La famille des scorpions. كل ما لها شوكة. Tout ce qui a des piques, des piqûres. Il y a des pics. موجود. C'est disponible, ça existe. قال ابن جبير سعيد. Donc ابن جبير أدي. وهو من تلاميذ ابن عباس. Il lui fait partie des élèves ابن عباس. قال حدثنا ثم أتى بدليل آخر. Et il a dit, il a ramené un autre. فجعل المجلس مجلس علمي. Donc c'est devenu un assise de science. ومبحث آخر في مسائل الرقى. Donc une recherche, dans une autre recherche, dans une autre question. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الخلائق. Donc il a rappelé le prophète sallam dans l'exposition que les communautés seront exposées, etc. Cheikh Ibn Baz, Allah nous dit. Alors il dit, est-ce que c'est une exposition véritable quand lorsque le prophète est monté aux cieux, fait l'Isra et le Mi'raj, ou c'est une exposition dans les rêves? Dans tous les cas, les communautés lui ont été exposées. Et les rêves des messagers, des prophètes sont vérité. Donc il a rappelé l'état de certaines communautés, des prophètes. Un prophète viendra, il y aura une personne ou deux avec lui. Et il y aura un prophète avec aucune personne derrière lui. Allah. Ce n'est pas parce qu'il avait peu de preuves, il avait peu d'arguments. La preuve était claire. Mais personne ne lui a répondu à son appel. Ne sois pas triste. Si tu fais beaucoup d'efforts dans la da'wa, il se peut que beaucoup de personnes répondent à ton appel. Et ce n'est pas une preuve que tu es un homme pieux. Alors que peu de personnes peuvent répondre à ton appel. Et ce n'est pas une preuve que tu es une mauvaise personne. Donc tu n'as plus qu'à transmettre et à montrer. Nous sommes contents que les gens soient guidés. Mais nous ne sommes pas trompés par le nombre. Et nous faisons de ce grand nombre une preuve comme quoi nous sommes sur la vérité. Maintenant, une personne qui vient, une personne des tam-tam qui vient. Donc on a trouvé à Gian, on se baladait à Gian, on a vu des personnes. Il y avait beaucoup de personnes. Sur quoi? Sur le péché. Et il se peut qu'une personne se lève et leur rappelle Allah. Tu vas avoir un nombre infime. Alors que celui-là est dans le vrai, la vraie et l'autre sur le faux. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnes ne montre pas que... Les stades, combien sont-ils remplis? Les mosquées, combien sont-elles remplies? Est-ce que c'est une preuve de l'un contre l'autre? La vérité est claire. Nous sommes contents lorsque les gens répondent à l'appel. Par contre, nous ne faisons pas la balance. Et nous sommes tristes si les gens ne sont pas d'accord avec nous. Mais ceux qui se sont interdits à leur propre personne, c'est bien. Un prophète viendra avec une personne ou deux. Donc ne désespère pas. Ne dis pas, je suis dans mon quartier, dans ma mosquée, les gens ne m'écoutent pas, ne viennent pas à moi. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je les appelle. Noah, combien de temps est-il resté? 1000 ans. 1000 ans. Il a 950 ans. Et il ne lui a répondu. Que peu de personnes lui ont répondu à son appel. 80 personnes sur 950 ans. Une personne tous les 15 ans. Par contre, il a montré la preuve. Il fait partie des messagers fermes. Et le premier des messagers d'Allah. Ya Abdallah. Ya Abdallah, ou serviteur d'Allah. Agis. Fais des efforts. Appelle à la religion d'Allah. C'est un honneur pour toi. Ceci est ma voix. J'appelle à Allah. Avec science. Et moi et ceux qui me suivent. Et tu es un suiveur. Et ça, c'est une appel de bien. C'est la meilleure chose. N'est-ce pas la meilleure chose que d'appeler Allah et qu'il fasse des bonnes actions et qu'il dise, je fais partie des soumis à Allah. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Donc il a rappelé ça. L'état des communautés, puis il a rappelé sa communauté, il a rappelé une partie précise de cette communauté. Allah fasse partie de cette communauté. 70 000 qui rentrent au paradis sans compte, sans châtiment. Quelles sont leurs caractéristiques? Le prophète s'est levé et est sorti de cette assise. Donc les compagnons commencent à parler entre eux. Ils se questionnaient. Qui sont-ils, ces personnes-là? Ce sont des mille. Des questions qui leur étaient envoyées. Et le prophète s'en les a laissés réfléchir. Certains ont dit, ce sont peut-être ceux qui sont nés dans l'islam. Ce sont peut-être ceux qui n'ont jamais associé à Allah. Ils ont fait beaucoup de suppositions. Donc, on ne doit pas baser nos choses sur l'espoir. Il faut agir. Si tu agis, tu auras la récompense. Donc, le prophète s'en est venu, il les a trouvés. Il a trouvé ce sur quoi ils étaient. Il leur a précisé, il leur a dit, ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse de ruqya, ni de cautérisation, qui ne consultent pas les augures et qui placent toute leur confiance en leur Seigneur. La première caractéristique, ils ne vont pas chercher les personnes pour faire leur phase de ruqya. Deuxième chose, il ne faut pas la cautérisation, le fait de se brûler avec le terrain. La cautérisation, c'est une forme de médecine. Mais c'est un dernier ressort qu'on doit le prendre. La troisième chose, donc ils ne consultent pas les augures. لا يتطيرون على ربهم يتوكلون لا تضرهم الأحداث الأرضية ويظنون أن لها أثر غيبي. Les événements qui se passent sur la planète n'ont aucune influence sur lui. Il y en a qui certains pensent que ces choses-là ont. يا من عرفت التوحيد. Donc celui qui a connu l'unicité. عرفت فضله. Et qui a connu son mérite. وما يكفر. Et ce qui l'empêche, tout ce qui l'explique comme péché. وسعيت لتحقيقه. Et tu fais des efforts pour le mettre en pratique. انتبه. Sois attentif. باب الخوف من الشرك وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن أعبد الأصنام Donc, la parole d'Allah عز وجل certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit et il pardonne en dessous de ça à qui il veut. إن الله لا يغفر أن يشرك به. Donc Allah ne pardonne pas celui qui lui associe. أبد. إذن هنا يا من عرفت الفضل. Celui qui a connu le mérite. وتحقيق وأهمية. La réalisation et son importance. هنا ينبغي لك أن تخاف. Tu dois avoir peur. لا تقع في شيء من الشرك. De tomber dans le shirk, le polythéisme. لماذا نخاف من الشرك؟ Pourquoi on a peur du polythéisme؟ لأنه ذنب لا يغفر الله لأهله. Parce que c'est un péché que Allah ne pardonne pas. وإذا دخلوا في النار. Et s'ils rentraient dans le feu. وهم خالدين فيها أبدا. Ils y seront éternellement. وذنبهم بالشرك لا تستطيع النار أن تطهره. Et le péché ne peut pas être purifié par le feu de l'enfer. لأنه أعظم ذنب عصي الله به. Parce que c'est le plus grand péché avec lequel Allah a été désobéi. إنه من يشرك بالله. Certes celui qui associe à Allah. فقد حرم الله عليه الجنة. Allah lui a interdit le paradis. ومأواه النار. Et sa destination sera le feu. الظالمين من أنصار. Et ceux qui sont injustes n'ont pas de personnes qui pourront les secourir. هو ظلم. C'est une injustice. يا بني لا تشرك بالله. Oh mon fils, n'associe pas à Allah. إن الشرك لظلم عظيم. L'association, le polythéisme est une grande injustice. هذا يجعلك تخاف من الشرك. Ça, normalement, ces choses-là doivent te faire peur du polythéisme. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن أعبد الأصنام وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو الله ندا دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. On trouve dans un hadith que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Lorsque l'on questionna à ce sujet, il répondit: il s'agit de l'ostentation. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit: le prophète a dit: quiconque meurt en invoquant un égal à Allah entrera en enfer. Rapporté par Al-Bukhari. Et Muslim rapporte, d'après Jabir, qu'Allah l'agrée, que le prophète a dit: sallallahu alayhi wa sallam, quiconque rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé entrera au paradis, et quiconque le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit entrera en enfer. Alaysa Ibrahim huwa alladhi kassara al-asnam? N'est-ce pas Ibrahim qui a cassé les statues? Oui. Huwa alladhi kassara. C'est lui qui a cassé les statues. ولكن يخاف. Et malgré cela, il a peur. تذكرون في الدرس؟ Vous vous rappelez la leçon? لما ذكرت لكم. Le premier cours. قصة الأصنام. Quand il vous a évoqué l'anecdote sur les statues. من كان حاضر معنا؟ Qui était là au premier cours? Ah. Mercredi. اللي حاضر معنا كان. Ceux qui étaient là, qui lèvent le doigt. طيب. تلك قصة الأصنام. Donc l'anecdote des statues. نوح. نوح. Noé. يعبدون قوم الأصنام. Le peuple de Noé adorait les astres, les statues. تلك المجموعة وما بقي إلا الذين نجوا مع نوح. نحن ذرية من نجا مع نوح. Tous ont été noyés, sauf ceux qui ont été préservés de ce mal, et nous faisons partie des gens qui ont été préservés de ce châtiment. وبقوا على التوحيد. Et ils sont restés sur l'unicité. وعادوا الشرك. Et ils sont revenus au polythéisme. وعبادة الأصنام. Et à l'adoration des statues. إبراهيم عليه السلام. Ibrahim. كسر الأصنام. A cassé ces statues. وهو بعد نوح. Et lui est venu après Noah. Et ceux qui ont été sauvés ont adoré. Comment ont-ils adoré les statues? C'est ce qui a fait qu'Ibrahim a dit qu'il a demandé à Allah qu'il le préserve, lui et son fils, d'adorer les statues. Et malgré cela, les gens sont revenus à l'adoration des statues. أمر خطير. C'est une chose très dangereuse. يخاف الإنسان. Donc la personne doit avoir peur du polythéisme. وأما الأحاديث. Par rapport aux hadiths. حديث التنديد. أما ترى هو يجعل الله ندا. نعم. حديث أخوف ما أخاف عليكم شرحته. Le hadith, donc la chose dont je crains le plus pour vous est le polythéisme mineur, je vous ai. فإذا كان الشرك الأصغر. Si le petit polythéisme, le polythéisme mineur. مخوفا على الصحابة. يخاف على النبي على الصحابة. Le prophète صلى الله عليه وسلم craignait ce cirque-là pour les compagnons, le petit. أنا خاف على أنفسنا ليس من الأصغر فقط. Nous devons craindre non seulement le petit mais aussi le plus grand. الصحابة الذين. Les compagnons. مع رسول الله. Qui a été avec le prophète صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. كذلك من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا يدل على أن الأمر قريب جدا. Pareil, quiconque rencontre Allah sans rien lui avoir associé entrera au paradis, et quiconque le rencontre lui en associé quoi que ce soit entrera en enfer. On a l'impression que ces deux choses sont très proches l'une de l'autre. Et c'est dangereux. فالجنة والنار. C'est le paradis et l'enfer. قريبة جدا. Sont proches l'une de l'autre. مات على التوحيد الجنة. مات على الشرك. Il meurt sur le tawhid, il ira au paradis. Il meurt sur le shirk, sur le polythéisme, il rentre en enfer. ينتبه الإنسان. Il s'aime de prendre garde à cela. صلى الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. إن شاء الله. Inch'Allah, le prochain cours après Salat al-Maghrib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سوف يكون الدرس مختصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس Donc après la khutbah, bismillah wa salatu wa salam rasulillah, ma ba'd. Donc après la khutbah al-haja, le Cheikh Mohamed Razan, hafidhahullah, a dit, et il a loué Allah que ce genre de, d'assises se multiplie. Chalou al-masabiha. Non, non, laisse ça, non, non, misbah. Lait. Non, non. Nukmel, incha'Allah, al-qira'ah, al-kitab. On termine, incha'Allah, la lecture du livre. نعم باب الدعاء الى اله قال المؤلف رحمه الله باب الدعاء الى شهاده الى شهاده ان لا اله الا الله chapitre 4 inviter les gens à attester qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah بعد ان بين امر العباده après avoir montré donc le, ce qui concerne l'adoration واهميه التوحيد et l'importance de l'unicité وان الله ارسل الرسل بذلك et que le, Allah a envoyé les messagers pour cette raison وفضل التوحيد le mérite de l'unicité وما يكفر من الذنوب et ce qu'il expie comme péché وتحقيق التوحيد et la réalisation de l'unicité والخوف من الوقوع في ضده et la crainte de tomber dans ce qui l'oppose ce qui l'oppose ان الذي يخاف ان يخالف شيء لابد ان يدعو اليه لا ليس المروحة ليس لا ليس المروحة لا ليس المروحة اجلسوا اجلسوا اين الاخوة المسؤولين عن المسجد انتم لا تتدخل قل لهم لا لا responsable de la mosquée si vous pouvez juste allumer les lumières سريع فبعد ان بين هذا بين ما يتعلق après avoir montré cela ما هو ضد الخوف ce qui est le contraire de la crainte فالخوف donc la crainte la peur تخاف ان لا تفقد شيء Tu as peur de ne pas perdre une chose. De perdre une chose. Donc ton appel, la dawa à l'unicité, c'est la meilleure chose qui puisse t'aider à te rester cramponné à l'unicité. Donc c'était approprié. C'était approprié que ce chapitre vienne après le chapitre de la crainte du polythéisme. De peur de ne pas aller en contradiction avec l'unicité. Donc le contraire de cela. L'appel au tawhid, à l'unicité. Le propager. C'est la meilleure des choses qui puisse te raffermir sur l'unicité. وأشد ما يفقد الشيء. Et le pire que l'on puisse perdre. من لا يدعو إليه. Ceux qui n'appellent pas à ça. فدعوتك إلى الشيء. Donc cette chose, ton appel à une chose. هي تساعدك لأن تبقى عليه. Ça t'aide à rester sur cette chose. بل حافز قوي. Au contraire, c'est une chose qui te renforce par la permission d'Allah. للثبات على هذا الأمر. Pour se raffermir sur cette chose-là. فهذه مسألة مهمة. Donc c'est une chose, une mesela très importante. الأهمية فيها. Donc l'importance dans ce sujet. تكمن فيه. Donc se termine. أن الداعي. Celui qui appelle Allah. لم تأتي أن الداعي donc celui qui appelle Allah إلى الشيء celui qui appelle à une chose pardon يعينه على الثبات عليه donc l'aide à rester ferme sur cette chose là باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alors le Très-Haut dit voici ma voix, j'appelle les gens vers Allah en nous basant sur une preuve évidente. Et je ne fais pas partie des. Et Allah est glorieux et je ne fais pas partie des associateurs. قل هذه سبيلي. Donc ceci est ma voix. يا محمد قل لهم. Ô Mohammed, dis-leur. صلى الله عليه وسلم. قل لهم. Dis-leur, ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur. هذه السبيل. Ceci est ma voix. أدعو إلى الله. J'appelle Allah. على بصيرة. Avec science. أنا ومن اتبعني. Moi et ceux qui me suivent. ونحن يجب أن نكون كذلك. Et nous, nous devons être aussi de la même façon. وأن يكون هذا سبيل. Et ça doit être notre voix.